Avec leur mix de Robin Schulz, c'est bien, c'est léger, ça, pour attaquer ce jeudi matin. Bonjour la famille, j'espère que ça va bien. Jeudi, c'est le 8 septembre, toute l'équipe de Bruno dans la radio. Bon, on est au taquet, voilà. Oui. On va arriver chez vous, là, dans l'espace de 2 minutes. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'on va avoir du son qui vous réveille. Major Lazer. Bon, et je peux vous dire que je me suis couché hier soir en regardant une émission sur D8, sur les boys band et les girls band. Je suis pas à l'abri ce matin, avant 9h15, de vous ressortir un Spice Girl. Ils m'ont chauffé, ils ont passé plein de trucs sur les Spice Girls. À un moment, je me suis dit, putain, c'était bien. Il y avait Alliage. Il y avait Alliage. Ouais. Oh, il y avait Alliage. Et non, tu parles de boys band, tu sais que notre invité dans Brioche ou Croissant à 8h, c'est Franck. Ex des To Be Sweet. To Be Free. Il y était, ils étaient tous. Il y avait le mec des G-Squad et tout. Il y avait Philippe aussi. Si t'as pas connu ça dans les années 90, t'es trop jeune. Il y avait Philippe, ouais, des To Be Sweet, bien sûr. Il était beau gosse. Non, c'était. Et donc, ça m'a chauffé. Je peux vous ressortir un Spice Girl, j'en ai rien à foutre. Je préfère vous prévenir. Attention, hé, il y aura du son maintenant. Parce qu'à un moment, il faut assumer son côté ringard. Voilà, c'est aussi pour ça que les gens nous rejoignent le matin. Ils savent qu'il peut se passer n'importe quoi. L'équipe de Bruno dans la radio, on arrive chez vous. Il y a un numéro de téléphone. Pour la Belgique, c'est le 02 85 10 000. Pour la France, c'est le 32 28. Dans les deux cas, vous nous appelez et vous repartez ce matin dans moins de 10 minutes avec une PlayStation 4, une GoPro, une enceinte Philips, plus un agenda Fun Radio. Et en termes de cadeaux, les amis, ce matin, nous allons vous offrir le NEC plus ultra de la crème de l'élite. Présenté hier soir en conférence exclusive, il se gagne ce matin. Je vais vous expliquer comment. Je parle du nouvel iPhone. On arrive chez vous après les news. Fun Radio, le son Dance Floor. Jeudi 8 septembre, les infos, les premières là pour attaquer cette journée, c'est en 2 minutes, c'est avec Maxime Poulaouec. Salut poteau. Bonjour Bruno, bienvenue à tous sur Fun Radio. On démarre par la météo, un ciel plutôt ensoleillé aujourd'hui, sauf dans le sud-ouest des Pyrénées. En remontant vers l'Auvergne et le Limousin, les nuages seront nombreux, apportant quelques gouttes ce matin. Les températures au lever du jour sont comprises entre 15 et 20 degrés. Dans l'après-midi, prévoyez 20 le long des côtes de la Manche, 21 à Biarritz, 22 pour Rochefort, 26 en région parisienne, jusqu'à 30 à Lyon et 33 à Nîmes. Une semaine après la rentrée scolaire, une partie des profs du collège cesse le travail. Aujourd'hui, ils s'opposent aux nouvelles méthodes pédagogiques imposées par le gouvernement. Le ministère de l'Éducation s'attend à un mouvement relativement modeste. Un couple radicalisé est toujours en garde à vue à Paris, originaire du Loiret. Ils sont entendus suite à la découverte de plusieurs bonbonnes de gaz dans une voiture en stationnement près de la cathédrale Notre-Dame. Une berline sans plaque d'immatriculation. Une enquête antiterroriste est ouverte pour savoir si un projet d'attentat était en cours. D'autres interpellations pourraient suivre. Apple rafraîchit son iPhone. La marque à la pomme a dévoilé ses nouveaux smartphones hier soir lors de la conférence keynote de San Francisco. L'iPhone 7 et le 7 Plus, ils se voudront plus résistants à l'eau et à la poussière et équipés d'un meilleur appareil photo. Ils abandonnent en revanche la traditionnelle prise jack servant depuis des années à brancher les écouteurs. Les précommandes s'ouvriront demain pour des livraisons à partir du 16 septembre, le prix de base est fixé à 769 €. Le palmarès des villes où il fait bon étudier, il est dévoilé en cette rentrée scolaire par l'étudiant selon plusieurs critères comme les formations, le logement et les transports. Grenoble prend la tête devant Rennes et Toulouse. À Rio, les Jeux paralympiques peuvent débuter. La cérémonie d'ouverture a eu lieu cette nuit. 126 athlètes français sont engagés avec un objectif de 50 médailles. 6h03, c'est parti pour Bruno dans la radio. Bruno on Fun Radio. Jeudi, c'est le 8 septembre, c'est Fun Radio que vous écoutez, il est 6h03. Bonjour. Bienvenue sur Fun Radio. Hey, it's Major Lazer with Bruno on Fun Radio. Major Lazer pour attaquer l'émission. Là, ça va arriver dans 3 minutes avec Justin Bieber. Et toute l'équipe de Bruno dans la radio qui est là. Voilà, il y a Christina qui est là ce matin. Bonjour à tous. Il y a Vaché. Et bonjour. Il y a Elliot. Bonjour Bruno. Elliot, c'est le geek d'émission. Ah, la conférence de presse a eu lieu hier. Nous en savons désormais un peu plus. sur le nouvel iPhone. Il est là, il est beau, il arrive, il a des particularités. Quelles sont-elles ? Ah, il est tout nouveau, Bruno. Alors, un appareil photo de fou, pour commencer. Ils ont tout changé. Il est assez exceptionnel. Un nouveau bouton Home, en fait, qui va être beaucoup plus résistant. La pression se fait avec une nouvelle technologie. En fait, il est limite tactile maintenant. D'accord. Plus de prise casque. Mais attention, pour les puristes, il est livré avec un adaptateur, donc pas de souci. Ah. Maintenant, les écouteurs vont se brancher à la place du chargeur. Voilà, c'est la nouveauté. Ouais. Et puis, surtout, deux nouvelles couleurs, un noir brillant et un noir mat. Ouais. Et on va faire le tour, on va faire le tour. Et puis surtout, ah si, pour ceux qui ne prennent pas soin de leur iPhone comme moi, il est résistant à l'eau et à la poussière. Ça, c'est bien. C'est bien. Cool. Voilà. Ça m'angoisse. Le côté de la prise casque qui se branche au même endroit que la prise pour charger, quand tu veux écouter de la musique dans ton casque la nuit, mais en le chargeant, ça veut dire que tu peux plus. Tu peux plus, ouais. Comme dans l'avion, imagine, t'as 12 heures d'avion ou 5 heures de train ou 12 heures de voiture. Bah, ça, voilà. C'est une tannée. C'est une petite tannée. Hein. Alors, vu que les écouteurs sont reliés à tes oreilles qui rentrent dans l'iPhone, faut peut-être que tu rentres le chargeur dans une partie de ton anatomie. Faut essayer, vous savez. Les amis, présenté hier soir, disponible en France à partir du 16 septembre. Ce matin, je vous offre le nouvel iPhone 7. Puisque nous avons nos amis qui travaillent chez Apple et qui nous passent prioritaire pour le jour de la sortie, vous le gagnez ce matin, le 16 septembre, quand il y aura des centaines et des centaines de personnes qui feront la queue devant les Apple Store. Vous n'aurez pas à bouger de chez vous parce qu'il vous sera directement livré le jour de la sortie. Le nouvel iPhone, vous pouvez le gagner ce matin. Et là, vous vous dites, mais comment je peux le gagner ? C'est très simple, ça va se jouer et ça se jouera par SMS. Est-ce qu'on le fera sur une demi-heure d'émission ou on le fait sur toute l'émission ? Non, sur une demi-heure d'émission. Comme tu veux. Ouais, voilà. Non, on va le faire sur une demi-heure. Le but, c'est pas de charger les gens en SMS, donc on le fera sur une demi-heure. Je vais choisir la demi-heure dans l'émission, ça peut être n'importe quand. Pas la première demi-heure. Sur la première demi-heure, j'ai envie de faire un petit choc des générations. Le truc d'hier soir, là, dont je vous parlais tout à l'heure, ça m'a choqué. Je vous jure, hier soir, devant la télé, j'étais comme un con, je me suis dit, putain, mais le fait de réentendre ces trucs-là. C'est bien, hein. Eh ben, j'ai pas trouvé ça si pire. Mais moi, je faisais les chorégraphies dans ma cour de récré des To Be Free et tout. J'étais à fond. Ah ouais, moi, j'achetais des chemises blanches et j'enlevais les boutons pour faire comme eux, tu vois. Mais non. Ils avaient tout le temps les chemises ouvertes. Mais attends, Elliot, tu faisais les chorégraphies, mais tu faisais les saltos aussi. Bah non, j'étais trop gros. Non, il rebondissait, Elliot, lui. C'était une autre chorégraphie. Et non, c'était un pas à droite, un pas à gauche, et après, tu te retournais sur toi-même. Ouais, et après, un pas dans le mur. Et ça, ça. Ticket de l'amour. On est d'accord, ça voulait rien dire ce truc. Bah, il a Keke, Noamant, souvenir. Bon. Tequiero, il dit. Ah, je croyais que c'était Keke. Je suis fou de. Bon, vous savez quoi, choc des générations. Allez, avant 6h30, on joue. Il me faut quelqu'un qui est 15 ans maxi et quelqu'un qui est. On avait dit quoi ? Plus 40. 40. Ouais, 40 mini. Un de 15 maximum et un de 40 minimum. Un vieux contre un jeune, on pose des vieux. Des questions de vieux aux jeunes, des questions de jeunes aux vieux. Et le gagnant, on lui offre un cadeau, d'accord ? On lui offre une PS4. PlayStation 4 ? Ouais. Ah putain, ouais, ça vaut le coup. Bon, avant 6h30, pour l'instant, on accueille l'auditrice de la matinée. Elle habite à Saint-Pierre-les-Elbeufs, on est dans le 76, département de la Seine-Maritime. Applaudissements pour Marion ! Bonjour Bruno et toute l'équipe. Bonjour Marion. Bonjour Marion. Vous allez bien ? Ça va super bien. Bienvenue sur Fun Radio. C'est toi l'auditrice du jour. On fait ça tous les matins. Ça donne le droit d'intervenir dans l'émission quand tu veux. Tu vas être en photo avec nous sur la photo du jour. Et puis voilà, on va aller te suivre sur Twitter ou sur Snapchat si tu y es. T'es un peu notre auditrice privilégiée de la matinée. Et en plus, Marion, tu peux poser une question, celle que tu veux, à quelqu'un de l'équipe. C'est la question du jour. Super, alors je suis la star du jour en fait. Oui, t'es la star du jour. Il y a déjà Voici qui a appelé pour faire un photoreportage chez moi à Saint-Pierre-les-Elbeufs. Où habite Marion ? Que fait Marion dans la vie ? Marion et ses hobbies, il y a plein de choses. Bon, dis-moi. Alors, moi Bruno, j'aimerais te poser une question à toi. D'accord. Et je suis obligé de répondre, bien sûr, c'est le but de la question du jour. Alors. Alors, j'ai vu sur le Snap de mon conjoint que tu révisais ta pièce de théâtre. Ouais. Est-ce que tu peux nous faire une petite tirade ? Ah carrément, waouh, il prend un froid là. Alors, attends. Ah bah écoute, je suis réveillée depuis une demi-heure. Attention. Donc je compte sur vous pour être aussi en forme que moi. On est d'accord que pour tirade de théâtre, il faut ambiance de théâtre. Ouais. On peut pas faire exactement. Ça. Alors déjà, rappelons ce que c'est cette pièce alors, de théâtre. C'est la nouvelle pièce qui sera jouée sur France 2 à la fin de cette année. D'accord. Un chapeau de paille. Ça s'appelle Un chapeau de paille d'Italie. C'est une pièce qui date de 1890, je crois. Tu vois, voilà. C'est ce qu'on appelle un vaudeville. Donc ambiance 1890. Okay. D'accord. Putain, tu me cueilles à froid. Tu connais pas encore tout par cœur. J'y connais 4 actes sur 5. Ah, c'est pas mal. D'accord. Il est 6h08. Ok, d'accord. T'as une ambiance théâtre ou pas à fond? Non. Ah, bah, on va faire les trois coups aussi. Ouais. Alors, d'accord. Non, mais il n'y en a pas trois. D'accord, très bien. Si, il y en a trois. Ah, allez, Bruno. Allez, Bruno. Ok, je vous fais une petite carte. Ok. Enfin, me voici chez la baronne. Elle est au courant de ma visite. Je lui ai fait passer un mot dans lequel j'ai tout expliqué. Un mot que j'ai fini par cette phrase que je crois pathétique. Madame, deux têtes sont attachées à votre chapeau. Sachez que le dévouement est la plus belle coiffure d'une femme. Je crois que ça fera bien. Et j'ai signé Comte de Fadinard. Je crois que ça fera pas mal non plus parce que, après tout, une baronne. Mais elle en met du temps à sa toilette. Si elle savait qu'en bas m'attend Manos, ah, ils sont collants. Et je ne parle pas de mon porc épic de beau-père qui a le chic de me crier « Mon gendre, êtes-vous bien ?» Mon gendre, quel est ce mot tu m'en... Mon gendre, où allons-nous ? Alors, pour m'en débarrasser, je lui ai dit que nous allions au Vauquitette. Et il croit attendre dans la cour de cet établissement. Mais j'ai donné mon billet au majordome pour qu'il ne les laisse pas monter. Pensez-vous, je n'ai pas envie de présenter ma belle famille à une baronne. Voilà, c'est un petit exemple. C'est à quelle heure l'entracte ? C'est pas bravo, j'ai soif. Bravo, Bruno. Vous m'avez cueilli à froid, je vous jure. Le porc épic de beau-père. Je savais pas que c'était aussi violent, cette pièce. 1890. Ah oui, mais à l'époque, justement, en 1890, c'était les racailles qui disaient ça. Enfin, tu vois. Porc épic de beau-père, va. T'allais pas te pointer en disant, bra, bra, beau-père, vas-y, nique tes morts, t'as vu, vas-y, représente. Au fond, je suis trop choqué, je t'ai vu rentrer. Eh, beau-père, porc épic. Baisse les yeux, porc épic, baisse les yeux, hein. Ça, c'était ça. Bon, ça va. Et Marion, j'ai répondu à ta question. Merci, Bruno. Et ben, de rien, ma chérie, je te fais des bisous. Passe une belle journée, ciao, ciao. Bisous. Oui, Elliot. Moi, j'ai rien compris avec le français que t'as dit, là. Ben oui, c'est normal, c'est du vrai français. Mais je pense que dans la salle, il y aura des écouteurs avec des traducteurs de pour les gens comme nous. Nous non plus, Elliot, on comprend pas le français que tu dis. Hein. Ça fait 4 ans et on dit rien. Ouais, en fait, c'est la vraie langue que j'utilise. C'est la langue de Jules Verne. Moi, il y en a parlé, la langue que moi, il y en a appris, hein, vraiment. Allez, c'est Fun Radio et Major Lazer pour attaquer l'émission. Bonjour, vous. Everybody gets high sometimes, you know. What else can we do when we're feeling low? Take a deep breath and let it go. You shouldn't be drowning on your own. And if you feel you're sinking, I will jump right over into cold, cold water for you. And although time may take us into different places, I will still be patient with you. Au moment où vous êtes en train de vous réveiller, et une vraie info pour Elliot là, que je vais vous filer ce matin avant 7h sur Fun Radio, j'ai, et c'est scientifique, la fréquence à laquelle il faut vraiment changer ses draps. Ah, ah c'est laver ses draps, ça. Ouais, alors, et ça marche pour les draps et la housse de couette, attention, hein, le truc dans lequel on dort, donc ça veut dire dessus de drap et housse de couette, ou dessus de drap et drap, couverture, etc. Si vous avez un lit un peu à l'ancienne. Bah, en vrai c'est simple, c'est quand ça pue. Non, mais sans vanne, c'est ça? Non, c'est pas sans vanne. Quand il y a des animaux, genre des sangliers, ouais. Là tu peux te dire ok, je. Et quand elle commence à remonter toute seule sur le lit, la couette, c'est que là tu te dis, il y a un problème. Non, il y a un vrai truc. Voilà, c'est scientifique, je le dis, tu vois, si le matin, des fois, t'as la flemme. T'as la flemme des fois le soir ou le matin de dire oh putain faut changer la couette et tout, surtout que c'est une galère à mettre une couette, ça peut être un exercice de style. Et ben je vais vous dire ça, je vais vous filer l'info là ce matin, voilà, parce que Fun Radio c'est ça. Merci. Cette info là vous ne l'aurez pas sur France Inter, mais en même temps est-ce que vous avez vraiment envie de savoir comment ça se passe au niveau du PIB intérieur brut de la Corée du Nord? Non, pas non. Forcément. Par contre le drap que tu dois changer, tu te dis hey, ça peut être. Bon, après, si vraiment vous insistez, en inbox, sur Facebook, je vous donne le PIB de la Corée du Nord. Sigala, c'est le nouveau. Give me your love sur Fun Radio. Est-ce qu'on a ce qu'il faut là pour le choc des générations? Bonjour le standard, oui, bonjour Ousmane. Bonjour à tous. Oui, on est débordé d'appels. Pourquoi il parle comme un animateur des années 80? C'est ça. Oui, on est débordé d'appels, on fait un point cadeau dans 5 petites minutes. Les mecs, on se croit au présidentiel, tu sais, nous nous connectons tout de suite avec notre centre de sondage. Au présidentiel pour l'élection de Mitterrand, mec. Eh bien, merci le standard, Andougain. On vous retrouve tout à l'heure. Merci beaucoup. Il n'y a pas de soucis, merci Ousmane. Avant de quitter Ousmane, je vais vous demander de taper dans les mains. Ouais. Et quand je dis hip hip hip, vous dites hourra, hip hip hip, pas hourra. Allez, on se retrouve à la pistoche. Ouais, je vais y aller en bécloune. Allez, 6h15. Tout gagné, tout perdu. Tout gagné, tout perdu. Camille est infirmière libérale à Bourg-en-Bresse. Et alors c'est ouf, elle a monté son cabinet il y a à peine 2 jours, alors qu'elle a 26 ans, c'est classe. Applaudissements pour Camille. Bonjour. Salut. Camille. Salut Bruno dans la radio. Oh, ah, je suis trop contente de vous avoir au téléphone, c'est un truc de fou. Eh ben, c'est tu la sais première quoi fois que j'appelle. Ça fait plaisir, bah, et comme quoi Camille, tu vois, tout arrive. Et t'as monté ton cabinet il y a 2 jours, c'est dingue. Ouais, c'est ça. C'est stressant, c'est 26 ans et tu deviens chef d'entreprise en fait. Exactement, avec ma collègue Marion, et on est comme des folles. Bon, dis-moi, j'espère que dans la salle d'attente, il y a Fun Radio. Ah bah écoute, pour l'instant on n'a pas acheté les droits, mais bien sûr qu'il y aura Fun Radio et on fera danser toutes les personnes âgées de Bourg-en-Bresse. Ouais, tu sais que moi je te le ferai gratuitement, mais c'est vrai qu'il y a un organisme qui s'appelle la SACEM et oui, qui oblige ça. Dans les magasins et tous les lieux publics, quand tu diffuses de la musique, t'es obligé de payer une cotisation. Je me demande combien ça coûte d'ailleurs. Mais, je vous le dis, Fun Radio par exemple, c'est pareil, ça se compte en millions d'euros, mais pour pouvoir vous passer des disques quotidiennement, on est obligé de payer à la SACEM. Ouais. Et pour ceux qui se posent la question, parce que je me la poser aussi dans votre magasin, si vous passez du Christophe Maé, c'est considéré comme de la musique aussi. les lois françaises sont cheloues, c'est comme ça. Mais t'as le droit, quand il passe dans une salle d'attente chez le dentiste, chez le docteur ou chez Camille dans son salon, son cabinet d'infirmière, quand il dit il est où le bonheur, il est où, t'as le droit de dire dans ton cul. Ouais, où que tu te trouves. Et tu sais que normalement, j'ai pas le droit de faire de la pub. Oui, mais je là, sais. Franchement, je me dérange pas. Ouais. Hein. Oh, Camille, on est entre nous, c'est la famille, ça va. Voilà. Hein. Voilà. Bon, Camille, chérie, tu viens de gagner une PlayStation 4. C'est une bonne nouvelle. Ouais. Je rajoute une caméra GoPro, d'accord. Je rajoute une enceinte, bah justement, pour diffuser de la musique là, dans ta salle d'attente. Et puis un agenda Fun Radio pour écrire tes rendez-vous pour les petites picouches dans le cul. D'accord. C'est tout fait pour moi, génial. Camille, ces 4 cadeaux, faut que tu les gardes. Et pour les garder, faut que tu répondes correctement à 4 questions que je vais te poser. Chaque mauvaise réponse, c'est un cadeau qui part. Ok. T'es prête? C'est parti. J'ai envie que tu gagnes. On y va, première question. Cool. Selon le département de psychologie du Western State College, chaque baiser avec la langue abrège la vie de 3 minutes. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Franchement, je dirais que c'est faux, que ça l'allonge, justement. Eh non, c'est vrai. Ah. Ouais. Soit 1 an de moins quand tu as donné 175 200 baisers. En fait, ce serait dû à l'accélération du rythme cardiaque lorsqu'on s'embrasse. Et c'est vrai. Souvenez-vous de votre premier baiser, moi. Moi, je me souviens. Ouais. Mon premier baiser, ma première boum. Ah ouais. Première fois où ta langue va retrouver la langue de la personne qui est en face de toi. Tu as 13 ans. Moi, elle s'appelait Stéphanie Massé. Et nous étions dans une boum. Nous étions dans une boum dans sa cave. Oh. Et comme nous n'osions pas nous embrasser, nous nous étions cachés sous un drap. Je vous jure que c'est vrai. Et on s'était roulé une pelle, mais qui avait duré 74 ans. Je crois que ce jour-là, j'ai perdu 10 ans de vie en l'espace d'un slow. Mais j'en garde un sourire ému. C'est pour toi, Stéphanie. Et je sais pas si tu faisais pareil, mais moi, ma première pelle, je sais que ça durait longtemps aussi. Et quand on avait mal à la langue, à force, parce que ça fait mal, on croit pas, tu vois, t'as des crampes. On changeait de sens. Ouais, mais nous, on faisait même des pauses, mais on restait les deux bouches emboîtées. On faisait des pauses, donc les langues étaient au repos. Et vous respiriez? On respirait, ouais. Et après, on repartait dans l'autre sens. On faisait ça dans un garage à vélo, nous. Et ça vous arrivait d'avoir des fourmis au bout de la langue? Oui, mais des vraies fourmis. On restait vraiment très longtemps. Bon, Camille, alors, je suis très contente de t'entendre sourire, mais tu viens de perdre la PlayStation 4. Oh, c'est pas grave, on n'y joue pas. Allez, on joue la GoPro, l'enceinte, l'agenda. Deuxième question. Le prochain mois de février, bah celui qui aura lieu là en 2017, il va durer 29 jours. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Non. Oh. Ah, mais non, mais c'est pas possible, quoi. C'est 28, là, le prochain. 28 jours pour le prochain mois de février. Tu perds. Allez, la GoPro. On joue pour l'enceinte et pour l'agenda. Vue du ciel, la capitale du Brésil, Brasilia, a la forme d'un pénis. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Un pénis, c'est le joli mot pour dire bite. Hein. Ouais. Ouais. Je connais plein d'autres mots pour dire pénis, mais alors là, par contre, j'en sais rien. Non, je dirais faux. Non, t'as raison, c'est faux. Yes. C'est la forme d'un avion. Par contre, on a la photo, ça a la forme d'un avion. Et enfin, dernière question. Tu gardes pour l'instant l'enceinte et l'agenda. Ouais. Quand le dindon crie, on dit qu'il glougloute. C'est vrai ou c'est faux? Oh. Allez, je dirais vrai. Et tu gagnes l'enceinte et l'agenda. Génial, merci beaucoup. Merci. Yeah. Mais franchement, mon plus beau cadeau, mais sincèrement, hein, c'est de vous entendre ce matin. Oh, ah, merci, ma bichette. Bah, depuis le mois de mars que je fais le placement et que du coup je suis dans ma voiture tous les matins. Mais mon bonheur à moi, c'est d'arriver avant 6h et de me dire je vais tout entendre du début à la fin. Oh, ça fait trop mignon. Plaisir. Bah, du coup, si ton, si ton vrai cadeau c'est ça, on va peut-être garder nous les, tout ce qui est matériel. Camille, je te fais des bisous, ma belle. Merci, à vous aussi, à bientôt. Bisous. Ciao, ciao. Il y en a qui savent imiter le dindon ici? Non, merci, Elliot. Tu peux essayer? Non, merci. Tu vois, je voulais t'éviter ça. Choc des générations, ça va arriver dans quelques secondes sur Fun Radio. C'est ce moment où nous choisissons un auditeur de moins de 15 ans qui joue contre un auditeur de plus de 40. On pose des questions de vieux aux jeunes, des questions de jeunes aux vieux. On fait ça parce que hier, je suis tombé sur une émission sur les anciennes stars des boys bands et des girls bands. Et alors, tu sais quoi? Je me fais un kiff. C'est même pas un délire battle du grenier. Je choisis d'autorité, histoire d'introduire le choc des générations. On se passe un morceau d'il y a 20 ans. Allez. Si je vous fais yo, c'est les money ones, c'est les money ones. Ouais. Tell me what you want. We got M. she's dodgy like MC, you liked it on a easy V, you doesn't come for free, she's the real lady. And as for me, how you'll see, stomp your body down and wind it all around, stomp your body down and wind it all around. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends, make it last forever, friendship never ends. If you wanna be my lover, you have got to give, taking it too easy. Oh, j'aime bien la fin. Et après, elles partent en courant, c'est pour ça qu'il y a le bruit. J'adore, j'adore ce délire. Moi, je courais derrière quand elles étaient sur la plage. C'était quoi ta préférée? Moi, c'était Victoria. Ah ouais, ouais. Jerry Halliwell à fond, celle qui avait les plus grosses pêches. Et Baby Spice, j'aimais bien aussi. Elle Baby était Spice. Pas mal, mais non. Posh Spice, ouais, c'était la mieux. Posh. Les amis, attention, voici le choc des générations. Ça va être dur. Il va y avoir des coups. Oui. De la violence. Dans le coin gauche, il a 14 ans, il habite Chantilly. Il s'appelle Grégory. Applaudissements pour Grégory. Dans le coin droit, elle pèse 45 ans. Elle habite à Thionville. Elle s'appelle Michel. Applaudissements pour Mimiche. Bonjour Grégory, bonjour Michel. Bonjour la famille. Comment ça va les amis? C'est un combat à mort que vous allez vous livrer ce matin, puisqu'il y a une PlayStation 4 à vous offrir. Grégory, je vais te poser des questions de vieux. Michel, je vais te poser des questions de jeune. Michel, pour te rassurer, je te rappelle que nous avons le même âge. Ah oui, je sais, oui, oui. Mais honneur aux vieux quand même. Michel, on commence avec toi. Michel, on te pose des questions de jeune. Quel chanteur a créé la basket Yeezy Boost pour Adidas, Michel? Chanteur, c'est un chanteur de rap, je pense, mais dire Jul, je connais pas. Eh bien non, c'était pas Jul. C'est Kanye West. C'est Kanye West. Ah oui, quand même. C'est Kanye. Mauvaise réponse, Michel. Grégory, question de vieux pour toi. Grégory? Oui. Dans les années 80, qui chantait ça? Oh mon dieu! Plus haut! Alors là! Quel nom tu as dit, Grégory? Mylène Farmer. Ouais! Oh Michelle Farmer! Ouais. C'était Desireless! Et Michelle, elle rigole parce qu'elle l'a dans son iPod. Enfin, dans son non, Walkman! Dans mon Walkman! Zéro partout, Michelle, deuxième question! Qui fait un featuring sur ce titre de Major Lazer? C'est Justin Bieber. Oh, mais c'est Justin Bieber. Un point pour Michel. Grégory. Oui, alors voilà, faut que je remonte. Eh ben là, il faut que t'égalises, mon pote. Question de vieux pour toi, le jeu. Cherche partenaire particulière. Grégory, quand on se servait de cassettes audio dans les années 80, à quoi pouvait nous servir un crayon de papier? À les rembobiner. Un point. Bravo. Tout va se jouer sur cette dernière question. Michel. Oui. En ce moment, faire un dab, c'est tendance. Mais c'est quoi un dab? Un dab? Ouais. Oula. Moi, je connais la daube, c'est un très bon plat. Un dab, c'est pas quand tu vas retirer de l'argent au guichet, ça? Ah non, c'est vrai. Un dab, Michel, c'est quand tu fais ce que fait Usain Bolt quand il gagne. Comme ça. En gros, voilà, le geste en baissant la tête. Alors évidemment, on est à la radio, ça se voit pas très bien, mais si vous avez la caméra... C'est un truc avec les bras et la tête. Voilà, c'est ça. Michel, tu ne marques pas de points. Grégory, tu peux gagner si tu as une bonne réponse à cette dernière question de vieux. Grégory! Oui. Quel comique anglais a cartonné à la télé en France dans les années 80 dans une série qui passait le dimanche soir et dont le générique était celui-ci? Oula. Alors, Grégory. Alors, pas du tout. Je dirais un truc, c'est pas avec chapeau melon et je sais pas. Oui, chapeau melon et je sais pas. C'était Benny Hill. Ah, oh, quel dommage. Zut. Grégory Michel, vous êtes à égalité. Moi, je dis que dans ces cas-là, il va falloir une question pour les départager. On est d'accord ? Eh oui. Vous restez ici ? Parce qu'on n'a jamais eu ce cas de figure, donc on va réfléchir. Et on va juste après les infos. Ben, cette émission se fait en direct, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est Fun Radio, on revient après ça. La radio numéro 1 sur les nouveautés. New music. C'est Fun Radio. Salut, c'est Martin Solveig sur Fun Radio. Major Lazer. De Parakeet. Hey, it's Martin Garrix on Fun Radio. La radio qui joue le plus de nouveautés, c'est Fun Radio. Le son dance floor. TF1. Ce soir, La Vengeance aux yeux clairs, votre nouvelle série événement. Ils ont tué sa famille. 10 ans après, Olivia revient avec un seul but, se venger. Je vais les détruire. Elle avance un jeu qui souffre. Méfie-toi. Si elle soupçonne quoi que ce soit, elles sont capables de tout. Inédit. Laetitia Milo dans La Vengeance aux yeux clairs. Dès ce soir à 20h55 sur TF1. Bougez pas, Bruno. Bon, et tu sais quoi, je sais comment on va départager Grégory et Michel. À 6h30, il y a le chiffre du jour. On les garde sous la main et on va les départager avec le chiffre du jour. Ils vont devoir trouver le chiffre du jour. Réaction, action, réaction. Vous avez Boum. Vu ça? Ah oui, non, mais c'est du direct, attention. On va revenir. Non. Vous êtes sûr, vraiment? On va revenir en direct. Oh, merci, écoutez, c'est. God bless Bruno! J'ai l'impression d'être dans un film américain où ils ont réussi à faire décoller la fusée, tu sais. Merci. Sauf merci que beaucoup. Dans un film américain, ils sont 1000 à applaudir. Pas oui, c'est vrai. Bah, enfin, 1000, c'était compliqué. On va revenir après les news, les amis. C'est Fun Radio, à tout de suite. Fun Radio. Fun Radio. Le son. Dance. Fla. Bonjour tout le monde, jeudi c'est le 8 septembre, on fait un petit point sur l'info, c'est important, c'est Maxime Poulaouec pour les news. Bonjour à tous, allez on commence par la météo de ce jeudi 8 septembre, autour des nuages et d'un peu de pluie entre les Pyrénées et le Limousin. Ailleurs le temps sera toujours ensoleillé avec tout de même quelques rafales de vent dans le nord-ouest. Les températures de la matinée sont comprises entre 15 et 20 degrés, dans l'après-midi prévoyez 20 à Cherbourg, 21 à Tarbes, 24 degrés à Lille, 26 à Paris ou encore 28 à Clermont et 33 à Nîmes. Le mouvement devrait être peu suivi, les profs sont en grève aujourd'hui à l'appel des syndicats du secondaire, une semaine seulement après la rentrée scolaire, ils s'opposent à la réforme du collège. Une manifestation partira à 14h de la place de la Sorbonne à Paris. Le ministère de l'Éducation ne s'attend pas à de grosses perturbations. Deux personnes entendues par la section antiterroriste de Paris, ce couple radicalisé originaire du Loiret a été arrêté mardi soir sur une aire d'autoroute dans le Vaucluse. Cela fait suite à la découverte d'une voiture abandonnée non loin de Notre-Dame avec 6 bonbonnes de gaz à l'intérieur. D'autres interpellations devraient suivre. Salah Abdeslam est quant à lui convoqué par un juge antiterroriste ce matin. Le suspect clé dans l'enquête des attentats du 13 novembre a déjà refusé par deux fois de s'exprimer. Son audition doit avoir lieu à 10h. Plus résistant à l'eau et à la poussière, Apple a dévoilé hier soir ses iPhone 7 et 7 Plus lors de sa conférence keynote à San Francisco. Ils seront disponibles en précommande dès demain et livrés le 16 septembre avec un prix de base de 769 €. Ces smartphones seront dotés d'un meilleur appareil photo mais n'auront plus de prise jack. Il faudra soit brancher un adaptateur, soit connecter des écouteurs sans fil. Et puis ce soir, restez à l'écoute de Fun Radio dès 19h, Before Party Fun avec JB, spécial Fun Radio DJ Award. Vous pouvez voter pour vos DJ préférés sur partyfun.fr. Les trophées seront remis le mois prochain à l'ADE d'Amsterdam. 6h33, bon réveil sur Fun Radio. Sérieusement, il y a une casse qui vous manque ou quoi? Bruno dans la radio. 6h-9h. Sur Fun Radio. Merci pour tous ces messages qu'on reçoit là depuis 4-5 jours. Des gens qui arrivent, qui découvrent Fun Radio par des potes de bureau, des potes de lycée qui leur disent « Mais écoute Fun, je te jure, qui écoutaient d'autres radios avant le matin. » Ben ça fait plaisir, soyez les bienvenus chez vous. Fun Radio, c'est quoi? C'est le son d'Anne-Fleur. Là vous dites « Mais le son d'Anne-Fleur, il y a tellement de trucs en Anne-Fleur. » Ben c'est le son qui vous réveille le matin, voilà. Tu te réveilles, t'as ça. Et ben tu prends pas ta douche de la même façon que si t'as un truc un peu triste qui pisse et qui pleure, quoi, tu vois. Kungs, ça arrive. Et puis Fun Radio, c'est la radio qui abrite Nicole Pervers, voilà. Aucune radio n'en voulait, on l'a pris. Il y aura Cachemire également avant 7h du mat si on a le temps de vous passer Wildcard, ce sera avec plaisir. Mais pour l'instant, chiffre du jour. C'est le chiffre du jour. Alors, chiffre du jour un peu spécial ce matin, puisque nous avons eu, là, il y a moins de 10 minutes, un choc des générations. Je sais que vous aimez bien, on l'a reconduit, ça, cette année, le choc des générations, entre Michel, 45 ans, de Thionville, toujours la Michel. Mimiche! Toujours là, oui. Et il y a toujours un petit temps de décalage dans le cerveau des personnes âgées. Mais n'importe quoi. Michel qui jouait contre Grégory, 14 ans à Chantilly, toujours là, Grégory. Toujours là. Ouais, c'est plus rapide du côté du Grégory de 14 ans. Alors, Grégory, Michel, si vous êtes des fidèles de l'émission, vous le savez, à 6h30, il y a une rubrique qui s'appelle le chiffre du jour. D'accord? Eh ben, oui. En fait, on va vous départager avec le chiffre du jour, puisque vous avez fini le quiz des générations avec une égalité. Ouais. Donc, je vais vous demander de trouver le chiffre du jour, et c'est celui de vous deux qui sera le plus près de la bonne réponse, qui repartira avec une PlayStation 4. Nous sommes d'accord? Oui. Bon. La question est simple, et c'est un rapport avec le chiffre de ce matin. Quel est le pourcentage de garçons qui enfilent un caleçon propre chaque jour? Ouh. Déjà la question, Grégory, pour toi par exemple à 14 ans, rassure-moi, tu changes de caleçon tous les jours? Moi tous les jours, D'accord. T'es plutôt quoi? T'es plutôt boxeur? T'es plutôt caleçon imprimé, genre caleçon des années 80 comme dans le choc des générations, ou en slip? Boxer. Oui. Très bien, boxer. Ah, je dis ça, attention, je pose la question à un enfant de 14 ans, me prenez pas pour un animateur du matin sur Europe 1. C'est, trop tard. En tout bien, tout honneur. Lui, il aurait demandé s'il y avait des dentelles. Greg, d'après toi, il me faut un pourcentage. Quel pourcentage d'hommes enfile un caleçon propre chaque jour? Tout âge confondu? Oui, tout âge confondu, ouais. D'accord. Je dirais 90%. 90%, non. C'est la réponse de Grégory. On note. Hein. Michel. Oh, moi, je dirais 38%. Quoi? Oh, bah, Michel. Ah, garçons, quand même. 38%. Et ça veut dire que pour toi, il y a 62% des garçons qui gardent le même caleçon un jour sur deux, quoi. Exactement. Ouais. C'est beaucoup, ça. Eh bien, la bonne réponse, c'était 78% des hommes enfilent un caleçon propre chaque jour. 78. Alors, je sais pas si c'est rassurant ou si c'est inquiétant quand même. C'est dégueulasse. Honnêtement, c'est dégueulasse. Ça devrait être 100%. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est pour Grégory. Grégory, c'est toi qui gagne la PlayStation 4. Bravo. Merci. Wouh. Et on va te l'envoyer très vite du côté de Chantilly. D'accord, mon pote? Ça marche. Merci beaucoup. Michel, pas trop déçu? Non, je suis contente parce que j'entends Grégory qui a l'air content d'avoir gagné sa play. Ouais. Tant bien pour lui. Et puis Michel, à 45 ans, ce qui t'aurait fait plaisir, c'est une Sega. Voilà. Pas la PlayStation 4. Bon, elle entend avec un décalage. Hein. C'est ça, la vieillesse est un naufrage. Ah oui. En tout cas, Michel, pour avoir dit que 38% des hommes changeaient leur caleçon, je voudrais saluer. Tu donneras mes amitiés à l'hygiène de ton mari. C'est mon avis. Honnêtement, ça vous est déjà arrivé de garder le même caleçon deux jours de suite? Ça m'est arrivé, mais des fois où tu dors pas chez toi mais pour une ça, raison. Voilà, ouais, d'accord. Mais dans ces cas-là, je le reportais le lendemain, mais dans l'autre sens. Ah ouais? Je le remettais, mais à l'envers. Alors Bruno, je tiens à réagir en tant que spécialiste crado de cette émission. Non. Moi qui me douche pas régulièrement, le caleçon c'est un truc qu'on change tous les jours. Parce qu'il faut choisir. Ah. C'est comme boire ou conduire. Soit tu décides de te doucher tous les jours, et dans ces cas-là tu peux garder des caleçons genre peut-être pendant deux jours maxi. Mais si tu te douches pas tous les jours comme moi, genre un jour sur deux, là t'es obligé de changer de caleçon. C'est, non mais vraiment, tu veux, non mais quoi, quand ce garçon, tu dis en communauté, regardez-moi bien, ce garçon, il me dépasse. Je n'arrive pas à comprendre, je vous jure. Il y a des règles. Ça fait plus de 10 ans que je connais Elliot. Au-delà d'être mon collègue de travail, oui. Voilà, c'est un de mes meilleurs amis. Je ne comprends pas son fonctionnement. Je n'arrive pas. Ce qui est dingue, c'est que quand il parle comme ça, t'hésites. Tu dis soit je saute par la fenêtre parce que j'ai envie d'en finir avec tout ça, soit je le fous lui par la fenêtre. Parce que c'est ce dilemme qui est dur. Pas se laver, ça regarde que toi. C'est chiant de puer. Non. Pas se laver, ça regarde les autres. Bah oui. Et en parlant de regard, mec, ouais. Ça pique les yeux. Vraiment. J'en sais rien, mais le caleçon, moi, c'est une couche avant le jean qui permet de pas sentir vis-à-vis des autres. Bon, t'inquiète pas, à ton rythme, la couche arrivera bien vite. Là. C'est Kongs, tout de suite sur Fun Radio. Qui est sorti lundi, tout le monde en a parlé. La France qui est championne d'Europe ou championne du monde ? Championne du monde, hein, de cache-cache. Oui. Alors, en parler, d'accord, faire 2-3 vannes, c'est drôle, mais moi, ce qui me plaisait, c'était d'avoir un des gars qui fait partie de l'équipe de France de cache-cache. Voilà. Ah, on l'a trouvé ? Bah, bien sûr. Ça va, Quentin ? Salut, la famille, salut Bruno. Salut, Quentin. Quentin, vous allez bien ? Ça va super bien. T'habites à Aix-en-Provence. Tu vas nous débriefer quand même, parce que moi, j'ai vu l'info, champion du monde de cache-cache. Je veux savoir à quoi ça correspond. Tu vois ? Parce qu'après, moi, je veux lancer le championnat du monde de pigeon. J'étais très doigt pigeon. Ou chat perché, championnat du monde de chat perché. Tu vas nous expliquer, Quentin. Vous étiez combien dans l'équipe ? On était 5. 5, d'accord. Bon, bah, comment on fait pour gagner le championnat du monde de cache-cache ? Est-ce qu'il y a un arbitre ? Bonne question. Ah, je sais pas, mais du moi, tout, je connais pas les règles. Mais je vous jure, moi, j'ai des questions. Si vous avez des questions, hashtag Bruno Fun Radio. Hein, on a quand même un champion du monde. C'est comme si on avait un Zinedine Zidane, ouais. Mais du cache-cache. Moi, je vais lui demander, est-ce qu'on doit maigrir ou pas ? Parce que c'est vrai, si t'es maigre, t'as plus de chances de pas être trop. C'est vrai. Bah, peut-être que physiquement, il y a certaines règles à respecter. Elliot, quand il joue à cache-cache, c'est les arbres qui se cachent derrière lui. Il y aura Cachemire, là, ça va arriver sur Fun Radio. Wild Card. Et puis, à 7h du Vacher Time, à 7h10, on va payer de la facture. Vous arrivez sur la première radio Dance Floor de France. Bienvenue sur Fun Radio. Le

C'est quoi, c'est un casting de pom-pom girls? Oui, dans la radio. Vive à la classe. 6h-9h sur Fun Radio. Oh ouais. Bienvenue sur Fun Radio, c'est jeudi, c'est le 8 septembre. Je le disais, voilà, on n'a pas la prétention d'être les premiers à vous en parler. C'est vrai que dès lundi, l'info est tombée. Je pense que tout le monde a parlé de cette histoire de championnat du monde de cache-cache. Mais moi, je voulais en parler avec quelqu'un qui fait le championnat du monde. Parce que, au-delà des vannes, moi, je voulais savoir comment ça se passe. Je voulais vraiment me dire, est-ce que demain, on peut participer à un championnat du monde de cache-cache? C'est une équipe qui a gagné, elle est française, et donc Quentin en fait partie. Rebonjour Quentin, il est Aix-en-Provence. Bonjour, salut une équipe. D'ailleurs, alors, vous êtes l'équipe de France de cache-cache, vous êtes que des gens de la région d'Aix-en-Provence ou pas du tout? Oui, oui, c'est ça, on est cinq potes depuis le lycée. Alors, ça s'est passé où le championnat du monde de cache-cache? À 40 km au-dessus de Milan. D'accord, donc en Italie. Et à partir voilà, de quel exactement. Moment dans ta vie tu te dis je vais participer au championnat du monde de cache-cache? Comment ça se fait? Pour que les impôts ne te retrouvent jamais. Bah à la base, en ayant vu cet article sur Facebook, je me suis dit vraiment, ils savent plus quoi inventer. Donc j'en rigolais. Et une semaine après, il y a donc Gauthier, un des cinq du groupe, qui a carrément directement invité tout le monde et organisé ce week-end pour pouvoir sortir entre potes à la base, juste avant la rentrée, quoi. Il y a combien d'équipes qui ont participé au championnat du monde de cache-cache? 64 équipes de 5 joueurs. Quoi. Oh, d'accord, France. Et alors mais de quel pays? Il y avait donc la France, que des pays européens ou genre des bah, non, une Coupe du Monde, des Américains aussi. D'accord. Voilà. Et des Suisses, des Belges. Et alors comment ça se passe la compète? C'est moi, je suis fan de cache-cache. Je joue même aujourd'hui encore, ouais, quand je peux jouer à cache-cache. Tu joues encore à cache-cache? Avec mon fils, ouais, j'adore. Ouais, j'adore. Mais j'en ai fait, mais tu veux que je te dise la vérité? Cet été, j'ai un grand jardin. Ouais. À la fin d'un barbecue un peu arrosé, etc., on était une quinzaine de potes dans mon jardin, on s'est fait un cache-cache. Je te jure que c'est vrai. Ah ouais. Mais ouais, j'adore ça. Et je vous dis, moi, tu sais, comme je dis souvent, j'ai 15 ans avec 30 ans d'expérience. Quentin, comment ça se passe l'épreuve en elle-même? L'épreuve en elle-même, donc, il y a 16 participants pour une manche. Ouais. Donc, une personne de chaque équipe, avec un attrapeur qui est au centre sur un gros coussin en mousse, en fait. Ouais. Et c'est un mélange de cache-cache et de gamelle, c'est-à-dire que pendant une minute, tous les participants doivent se cacher. Ouais. Et au bout de la minute, l'attrapeur sort du coussin en mousse et vient chercher les participants. Une fois qu'il a trouvé la couleur du t-shirt du participant, il doit revenir à la base en courant avant que le participant arrive avant lui, en fait. D'accord. Et toi, par exemple, tu t'es caché où? Il y avait plein d'obstacles, il y avait beaucoup de bottes de foin, il y avait des toilettes comme on trouve sur les chantiers, des meubles. D'accord, vraiment, et donc ça se joue genre dans un champ où on a posé des trucs pour pouvoir se cacher. Voilà, c'est ça. Ouais, Léo, t'as. Et t'es resté caché combien de temps, moi? C'est ça qui m'occupe. Ah oui, en fait, on a compris avec toute mon équipe que au plus longtemps on restait caché, au plus de personnes risquaient de se faire éliminer parce qu'elles étaient précipitées, justement. Du coup, on restait, la manche durait maximum 5 minutes, on restait dans les 3 minutes, 4 minutes cachées. D'accord. Ah, et tu changeais de cachette après. Okay. Voilà, c'est ça. Ah, d'accord. Ah, quelle technique. Quentin, et donc du coup, vous avez une coupe et vous êtes champion du monde là pour un an, on est d'accord? C'est ça, voilà. Et ben bravo à toi. Ouais, félicitations. Franchement, moi, c'est une fierté. On en a moins parlé que Zinedine Zidane et l'équipe de France 98. Mais c'est pas mal. Et vous êtes sûr que vous avez ramené tout le monde? Parce que ça se trouve, il y a un gars qui est toujours à Milan derrière une botte de foin qui fait personne ne m'a trouvé pour l'instant. J'ai gagné. J'ai faim, putain. Non, il y a un représentant étranger là, qui est champion du monde de cache-cache, qui est caché derrière une botte de paille. Ça va faire 20 ans maintenant. Et il chante. Venez me chercher. Allez, c'est Fun Radio. Vous connaissez le nouveau soprano qui s'appelle Je suis en feu. Eh bien, nous avons chez nous Nicole Pervers. Et Nicole Pervers a repris soprano. C'est pas Je suis en feu, ça donne ça. Je suis un chien, j'ai chaud, j'ai chaud, j'ai chaud, je suis un chien, j'ai chaud, j'ai chaud, je suis un chien. Comme Zinedine Zidane, je veux la mettre dans le mille. Je suis un chien. Ce soir j'ai des fourmis dans ma culotte, je vous le dis. Je suis un chien. J'ai préparé des nouilles pour y tremper mon kiki. Je suis un chien. Je vais faire tub chef jusqu'au bout de la nuit. Je suis un chien. Ce soir j'ai la tour de Pise plus redressée que jamais. Je suis un chien. Comme Renaud la ville et ni ma perche, je veux la planter. Je suis un chien. Houston, soyez prêts. Ma fusée décolle. Je suis un chien. Mon seul but dans la vie c'est Ken. Et ce depuis l'école. Je suis un chien. Je sens que je suis en train de briller. Normal c'est que je transpire trop. 30 ans que j'aimerais rentrer mes petites chouquettes au fourneau. Si tu me croises n'aie pas peur. Si tu me parles n'aie pas peur. Si tu me touches n'aie pas peur. Même si putain je suis en chien. Je suis en chien. Je suis en chien. Même point pour Soprano, 0 pour Nico. Je suis un chien, j'ai chaud, je suis un chien. J'ai chaud, je suis un chien. Comme l'équipe de Guingamp, mon palmarès est gênant. Je suis un chien. J'ai trempé mon pinceau dans de la terre, dans de la purée, dans du flan. Je suis un chien. J'aimerais aller de l'avant et me trouver une petite meuf. Je suis un chien. En attendant, je fais des trous dans le coussin du canapé neuf. Je suis un chien. Ce soir, je veux que ma tour Eiffel caresse un nuage. Je suis un chien. Je voudrais qu'un bouquin accepte que je mette mon marque-page. Je suis un chien. Je voudrais insérer ma péniche dans un lac. Je suis un chien. En clair, je recherche un huc, un boule pour les manger, lui mettre des claques. Je suis un chien. Je sais que je suis en train de briller parce que j'ai la peau grasse. 30 ans que j'aimerais tremper mon spéculoos dans une tasse. Si tu me croises, n'aie pas peur. Si tu me parles, n'aie pas peur. Si tu me touches, n'aie pas peur. Même si putain, je suis en chien. Je suis en chien, je suis en chien. Même si putain, je suis en chien. Je suis en chien, je suis en chien. Crois-moi, ce soir, je suis en chien. Je suis en chien, je suis en chien. Yeah, même mon chien, il est en chien. Ça sent la ken, ça sent la ken. Appelle tes copines, je suis chaud. Je suis prêt à ken, je le sens. Je suis prêt à ken, appelle tes copines. Je suis chaud. Le jour de la ken, c'est maintenant. Faut que ce soit maintenant, appelle tes copines. Je suis chaud, même leurs grands-parents. Je suis chaud. Je veux plus ken des pots de fleurs, d'échappement ou de beurre. Appelle tes copines, je suis chaud. Je sens que je suis en train de briller, normal, si que je transpire trop. 30 ans que j'aimerais rentrer mes petites chouquettes au fourneau. Si tu me croises, n'aie pas peur. Si tu me parles, n'aie pas peur. Si tu me touches, n'aie pas peur, même si... Je suis un chien. Hashtag Bruno Fun Radio. Il y a Alicia là qui vient de balancer un message qui dit Nicole Pervers, il doit être content qu'on passe son tube aujourd'hui. Hier, il était trop déçu. Hyper content, frère. Hyper content. Ça va, Bru? Ça va bien, Nico. T'es bien habillé aujourd'hui. Merci, c'est gentil. T'as mis un costume? Oui, j'ai mis un costume. Avec une cravate? Oui, une cravate. Et l'autre aussi, il a un costume. Non, ça suffit. Sauf qu'il a pas de cravate. C'est non. Tu veux ma teub? Non, oh, arrête! Oh, autour du cou, ça fait une belle cravate. Ouais, oh, Cordula, je suis sûr, elle adore. Le JPI sur Fun Radio. Quand je vous dis qu'il n'y a plus de filtre dans cette équipe, c'est l'heure du JPI. JPI, journal pas en image, c'est le faux journal de l'émission. C'est tout de suite la première édition. Bonjour, je suis Karina Siamer. Bonjour, je suis Mika Roukia. Et aujourd'hui, c'est la Saint-Adrienne. Adrien ! Calme-toi. Et pour commencer, Apple, lors de sa keynote hier soir, Apple a dévoilé sans surprise le nouvel iPhone 7 sans prise jack avec des écouteurs sans fil. 10 ans qu'on attendait ça. Fini de passer des heures à essayer de démêler ces câbles d'écouteurs. Plus t'essayais, plus ils s'en mêlaient, ces enculés. Calmez-vous, Mika, c'est fini maintenant. Sexisme, ça fait la une de l'actu ce matin, le lancement d'une grande campagne contre le sexisme au quotidien. Ouais, c'est bien, il faut s'engager contre le sexisme. Hein. Alors les filles, pendant que nous on fabrique les banderoles, bah, vous avez qu'à nous préparer à manger. Hein. Ouais, bah il y a du boulot. Hein. L'iPhone 7 a donc été présenté hier. Anthony Vosovic est parti enquêter. Anthony ? Oui, j'ai justement entre les mains la boîte avec le nouvel iPhone. Je l'ouvre. Ouah, le téléphone est beau. Il y a le chargeur, les écouteurs sans fil. Oh ! Eh ben c'est quoi ça? De quoi Anthony? Bah, il y a un très gros doigt dans la boîte. Ah oui, je sais, il se range là. Ah! Merci Anthony. À dans une heure pour un nouveau reportage. Et pour finir, c'est une émission de texte où les couples sont racistes. Découvrez les Zemmour. Voilà, c'est la fin du JPI. Tout à l'heure, nous serons tout à l'heure. Alors à tout à l'heure. Dans quelques instants sur Fun Radio, il y aura Cachemire. Avec Wildcard. Et cette info dont je vous parlais tout à l'heure, bon bah c'est rapport avec l'histoire du calcif hein, dont on parlait à 6h30. Le nombre de fois où il faut changer les draps, la fréquence de changement des draps. Alors moi je dirais toutes les semaines, franchement. Vacher. Tous les mois? Une fois par mois? Non, mais non. L'équipe du JPI. Ouais, alors Elliot, tu fais la même chose pour le caleçon, ça suffit maintenant. Karina. Moi je suis comme Cri, toutes les semaines. Ouais, toutes les deux semaines je dirais moi. C'est toutes les semaines. Tu peux pousser jusqu'à 10 jours je pense. Moi, je fais deux fois par semaine. Deux fois par semaine. Mais moi, j'aime bien l'odeur du frais. Attends, c'est toi qui mets la housse de couette? C'est toi qui fais ça, Bruno? Non, j'ai des gens. Ah ouais, c'est pour ça. Parce que c'est trop relou. Non, mais moi, j'aime bien. Moi, c'est un vrai rituel. Bah, déjà, pour être en forme le matin à 6h à la radio, les amis, je me mets au lit vers 8h le soir. Donc, et j'aime bien. J'aime. Tu vois?

place de la Sorbonne à Paris, mais le ministère de l'Éducation ne s'attend pas à une grosse mobilisation. Dites stop au sexisme. Associations, personnalités et gouvernement lancent aujourd'hui une campagne contre ces humiliations du quotidien. Vous pouvez participer à votre façon en arborant un badge disponible sur le site internet du ministère des Droits des Femmes ou sur les réseaux sociaux avec le hashtag sexisme, pas notre genre. Il n'est pas interdit d'informer de la localisation des radars. La Cour de cassation a confirmé hier la relaxe générale de membres d'un groupe Facebook anti-radar du département de l'Aveyron, établissant une importante jurisprudence. L'utilisation de détecteurs reste quant à lui toujours illégale. Un mot de tennis, la déception pour Andy Murray, le Britannique champion olympique, a perdu en quart de finale de l'US Open cette nuit contre Nishikori. Le Japonais affrontera le vainqueur du match entre Wawrinka et Del Potro. Mon fils jouera sa demi-finale contre Djokovic. Demain, il est 7h04. Merci d'avoir choisi Fun Radio et toute l'équipe de Bruno jusqu'à 9h. Fun Radio. Jeudi, c'est le 8 septembre, c'est Fun Radio, vous écoutez, il est 7h04, bonjour! Le nouveau Jonas Blue, c'est ce qui arrive là dans quelques secondes. Et juste avant 7h30, Bob Sinclair, Someone Who Needs Me. Bienvenue sur Fun Radio. Vous avez passé des semaines, des mois, peut-être des années à écouter d'autres stations de radio le matin. Et on vous a dit, en arrivant à l'école, au collège, au lycée, en arrivant sur votre lieu de travail, mais tu n'écoutes pas Fun Radio le matin? Et vous disiez, ben non, j'écoute cette radio, c'est vachement bien. Puis au bout d'un moment, cette radio, vous rabâchez la même chose, les mêmes programmes. Et vous vous êtes dit, je vais essayer Fun Radio. Et bien, bienvenue. Regardez cette lumière au bout du tunnel. Nous sommes là, les amis. Nous sommes là et nous serons là chaque matin. Alléluia ! De 6h à 9h15. Nous serons là avec une bonne humeur quotidienne. Nous serons là avec le sentiment, le devoir chaque jour de vous amener une émission qui n'est pas pareille que l'émission de la veille et qui, quoi qu'il arrive, sera différente de l'émission du lendemain. Bienvenue dans une famille. Bienvenue dans Bruno dans la radio. C'est beau, hein? Oh, c'est magnifique. Ouais, je chiale. Je chiale. Dans la famille, il y a la grande sœur, il y a Christina. Bonjour à tous. Dans la famille, il y a le tonton qui fait des vannes tout le temps, qui est en bout de table, qui a toujours le bon mot, c'est Vaché. Salut les gars, ça va? J'ai pété à table. Hein. Dans la famille, il y a le petit frère, Elliot, qui trébuche quand il s'assoit à table, qui fait tomber sa bouffe pas plus tard qu'il y a 2 minutes. Et je vous jure, les amis, que c'est vrai, que je meurs tout de suite foudroyé si je vous raconte une connerie. On a reçu, d'ailleurs, c'est très bizarre que ce soit arrivé dans le studio, parce qu'en général, Christina, je peux vous dire qu'elle arrête toujours les produits publicitaires avant que ça arrive ici pour pas qu'on fasse de la pub, mais en l'occurrence, je vais saluer nos amis de Cherry Corée qui nous ont fait passer un gigantesque carton rempli de petits déj avec des mugs et pour tester la boisson Ricoré. Donc Elliot s'est dit, je vais la faire. Il a ouvert, comment s'appellent ces mugs américains qui se referment? Un thermos. Un petit thermos individuel. Il a mis son truc de Ricoré dedans et puis il a secoué dans le studio et le truc n'était pas fermé. Il y en a au large. Et Elliot est constellé de café, ce qui est génial parce qu'il s'était habillé sur son 31 parce qu'on doit faire un bon resto aujourd'hui. Et donc voilà, il y a Elliot. On est là tous les matins. Bienvenue dans la famille Bruno dans la radio. Et je parlais de Vaché. Voilà, Vaché, il est là pour nous faire rire, ça tombe bien. C'est le Vaché Time. Bruno. Elliot, qu'est-ce qui vient d'être arrivé encore? Monsieur Elliot, c'est pas possible. Il vient de reboire son truc de Ricoré et il vient tout cracher sur le clavier de l'ordinateur. Je me suis ébouillanté. Oh là, mais mec, j'en peux plus. J'étais un porc. Je n'en peux plus. Ça fait mal. Et c'est pour ça que tu parles comme ça, parce que t'es ébouillanté. Ça se trouve, Mika, le chanteur, c'est juste un mec ébouillanté. Relax. On vient de comprendre, merci Elliot. J'arrête. Non, mais surtout, ça veut dire que quand t'as une douleur, tu parles comme ça? Mais non, mais c'est la lèvre du haut. T'imagines, dans un film de guerre,

Je le laisse jusqu'à la fin parce que j'aime bien. Cette cymbale là. Bien sûr. Ça s'appelle une charlée. Ah oui. Ouais, je le dis pour les spécialistes de la musique, c'est la fin de la charlée. D'accord. Moi je dis ça, c'est pour détendre. Alors si vous vous en foutez, n'hésitez pas à le dire sur Facebook. On lit vos messages. Mais non, mais Christina est énervée depuis tout à l'heure. Voilà, ouais, donc, j'aimerais bien pousser un coup de gueule. Parce que parfois, les messages passent mieux à la radio que dans la vraie vie. Surtout que là, le message que tu veux faire passer, c'est quand même à ton mec qui travaille dans l'équipe et qui est dans le bureau. Ah bon, mais ça fait mille fois que je lui dis, ne m'écoute pas. Donc je me dis que si je prends à témoin 2 millions de personnes, peut-être que là, ça va mieux passer. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, il faut, je te le dis, Anto, arrête de me parler quand je suis au téléphone. Ça me rend ouf. C'est son truc absolu. Dès que je suis au téléphone, c'est le moment qu'il choisit pour me parler. Et genre, par exemple, s'il a besoin de rajouter un truc dans la conversation, donc je suis au téléphone, il est là derrière moi, j'entends, il fait « Et n'oublie pas de dire ça, ou alors fais ça, ou alors, tu vois, pense à demander ça. » C'est insupportable. Parce que tu peux pas te concentrer sur ce que tu vois. T'avais un message à faire passer, t'as raison. Tu sais quoi, moi je suis assez d'accord pour que tout le monde fasse passer un message vite fait de coup de gueule sur un truc qu'il supporte pas. Va chier. Bah alors, je vais dire à ma femme, je suis désolé parce qu'elle est enceinte et tout, mais arrête d'aller faire pipi genre 20 minutes avant que mon réveil sonne. Parce que moi je peux pas me re-rendormir. Tu vois, est-ce que tu peux attendre? Tu le sais que je me lève à 4h30. Alors, de 4h à 4h30, on fait plus pipi. Le dernier pissage, c'est 3h30. Allez, on va même partir là-dessus. C'est tout. Parce que je ne peux pas me rendormir. Je m'en fous qu'il y ait un bébé qui appuie sur ta vessie, d'accord? C'est qui le plus important? C'est le bébé ou c'est moi? Tu te calmes. Pardon, excusez-moi. Elliot. Moi, j'en ai aussi. Moi, je supporte pas qu'elle me parle juste avant de s'endormir. Voilà, quand on va au lit, on se fait un bisou. Et puis, une fois qu'on s'est fait un bisou, on se retourne chacun de notre côté. Puis, on dort. Il n'y a pas de. Et sinon, demain, qu'est-ce que tu vas faire? Et puis, sinon, non, je dors. Donc je essaye déjà, je mets du temps à m'endormir. Donc tu te tais. On dit quoi? On est sur du coup de gueule que de couple alors? Non, pas forcément. T'en as un passé toi, Bruno? Ah bah oui, je pourrais passer un coup de gueule de couple aussi. Vas-y. Ah bah vas-y. D'accord. Alors moi, je ne supporte pas que le soir, donc quand j'éteins la lumière pour dormir, elle joue sur son iPhone en croyant que je le vois pas, alors que ça éclaire toute la pièce. Ouais. Alors déjà, elle regarde plus la télé parce que bon, j'avais dit la télé on peut éteindre quand même rapport au fait que je dors. Ah bon? Et ben maintenant c'est l'iPhone et donc et alors c'est soit ça soit Facebook, mais du coup t'as l'impression que tu vois il y a un projecteur en fait. Donc ça je supporte plus non plus. C'est quoi? On va lancer le hashtag je ne supporte pas quand. OK. Ouais. D'accord? On lance et vous complétez. Hashtag je ne supporte pas quand et vous mettez la suite via Twitter, via Instagram, via Facebook, et on en parle avec vous au 3228. Vous pouvez également appeler et on vous fait passer à l'antenne avant 7h30. Voilà, et puis si vous êtes en couple avec votre ordi et que vous supportez pas quand il a plus de batterie alors que vous allez sur YouPorn, vous pouvez nous appeler aussi. Hashtag je ne supporte pas quand, et on revient là-dessus dans 10 minutes, d'accord? Ok. Pour l'instant, je paye de la facture. Bruno, allô? Paye vos factures. Oh, il est adorable. Tous les jours, 7h15, 8h15, en direct sur Fun Radio, je paye de la facture, ça peut être la vôtre. Même si vous venez d'arriver sur Fun Radio, ça marche, il suffit de me l'envoyer. Soit vous la déposez sur le site brunopayevosfactures.fr, soit vous la scannez et vous l'envoyez par mail facture@funradio.fr. Et si on vous appelle en direct le matin, eh bien c'est cadeau, c'est payé, la facture a pu besoin de sortir pépette. Moi, il y en a donné, on part dans le Haut-Rhin. Oh, le nom est compliqué, hein. Vous savez quoi? Le mieux, c'est que quand il va décrocher, Olivier, on lui demande. Allô? Allô, Olivier? Oui. Bonjour, Olivier. Bonjour. Olivier, qui est le seul animateur radio qui paye ta facture? C'est Bruno dans la radio. Oh, oh, oh. Olivier, alors, j'essaye en général d'annoncer les noms de villes, ceux que vous me donnez en tout cas quand vous m'envoyez la facture, mais là, le tien, j'ai peur de le bouffer. J'ai peur, et les gens vont se dire, ils vont me répondre à tes souhaits quand je vais dire le nom de ta ville, mais je vais essayer. Ta ville, à Pferterhaus. Non, pas du tout. C'est comment tu dis? Pferterhaus. À tes souhaits. Pferterhaus. Avec un peu d'entraînement, on y arrive. Pferterhaus. Mec, il n'y a que des consonnes et deux voyelles qui sont tombées là par hasard. On a l'impression que c'est un Scrabble qui est tombé par terre, ils ont remis sur une table et on va choisir le nom de la ville, Pferterhaus. Olivier, t'as quel âge, tu fais quoi dans la vie? Alors j'ai 19 ans et je suis en DUT. D'accord. 310 €, c'est quoi? Donc en fait, on a fabriqué une petite caravane avec mon père. Et donc pour que je puisse l'utiliser, je me suis équipé d'un attache-remorque. Donc c'est la facture de l'attache-remorque. L'attache-remorque, c'est pour attacher la caravane à ta voiture? Ouais, voilà, ouais. Mais attends, t'as fabriqué une caravane avec ton père? Ouais, donc en fait c'est sur la base d'un châssis de remorque. Et puis on a monté les parois et tout. Puis il y a de la place pour un couchage et puis une petite cuisine derrière, quoi.

55e anniversaire. Auchan, continue. Chérie, c'est encore l'anniversaire Auchan. Et alors? Eh ben, c'est encore le moment de profiter de bonnes affaires. Jusqu'à mardi chez Auchan, pour l'achat d'un paquet méga format de 54 dosettes de café Senseo, le deuxième est à moins 60%. Ça fait 8,04€ les 108 dosettes Senseo au lieu de 11,48€. Auchan, la vie que j'aime. Le paquet de 375 grammes vendu seul 5,74€, soit 15,31€ le kilo. Happy égale heureux. Pour votre santé, bougez plus. On arrête la parlotte et on dépote. Vous êtes prêts? 6h-9h on a lancé le hashtag je ne supporte pas quand. Vous êtes sur Twitter, vous êtes sur Instagram, vous êtes sur Facebook, vous balancez vos messages et vous les balancez également au 3228. Il y en a là en rapport avec avec le boulot. Je ne supporte pas quand les gens essaient de rentrer dans le tramway alors que les autres en sortent. Est-ce que c'est trop compliqué d'attendre? C'est Romain Cambou qui dit ça. Toujours en rapport avec le boulot, il y a Mélanie là sur Twitter qui dit je ne supporte pas quand je suis en retard au boulot et que j'ai un mou devant moi en voiture. S'il est mou, c'est qu'il n'écoute pas Fun Radio. L'auditeur de Fun Radio n'est pas mou. Et c'est normal, il danse sur Bob Sinclair. On a lancé le sujet il y a à peine 10 minutes, il est déjà en top tweet France. Hashtag je ne supporte pas quand sur Fun Radio. On est parti du coup de gueule de Christina contre son mec qui disait je supporte pas quand mon mec me parle alors que je suis au téléphone. Et là j'ai l'impression que les auditeurs de Fun Radio vont se lâcher. Il y en a plein qui ont appelé le 3228 notamment. Bonjour Aurélien. Salut Bruno, salut la famille. Salut. Qu'est-ce qui te gave toi? Alors moi je ne supporte pas quand je joue à la console que ma meuf me parle ou me dérange. Ah ouais. C'est toujours le même principe, tu peux pas te concentrer sur deux trucs quoi. Et je dirais un truc pas loin, je supporte pas moi quand ma meuf doit arriver par exemple à 18h et que j'allume la console en me disant c'est cool et qu'en fait elle arrive à 17h. Horrible. Je t'embrasse Aurélien, merci d'avoir appelé. Merci, bisous. Bonne journée, ciao. Christelle, elle est à Laon, bonjour Christelle. Oui, salut mes loulous. Comment ça va ma chérie? Qu'est-ce que tu supportes pas toi? Alors moi je ne supporte pas quand je suis à la caisse et que la caissière discute avec la caissière d'à côté. Oh mais grave. Ah oui. Putain, mais grave. Ça c'est saoulant. Et elle s'occupe pas de toi voilà, en fait elle te compte tes courses et en fait elle s'occupe pas de ce que tu lui dis ou... Je peux comprendre. Ah, c'est pénible. Et des fois elle te bip deux fois un produit. Oui, tu te

Cette année, vous allez adorer la rentrée chez Marionneau. Profitez d'une remise exceptionnelle de 25% sur tous les parfums de grandes marques en magasin et sur marionneau.com. Pas une minute à perdre, c'est vraiment le moment de se faire plaisir. Offres et conditions sur marionneau.com. Marionneau, la beauté qui me ressemble. Bougez pas, Bruno. Qui arrive dans la chanson du jour. On est d'accord, normalement, Elliot, ça pleure. J'espère. Comment ça, t'espères que ça pleure? Oh non, ouais, j'en sais rien. Je. Boulette alerte boulette, je m'en vais. J'ai l'impression que tu vas avoir une belle fin d'émission, toi, Elliot. On va revenir après les news. Fun Radio. Le son. Dance. Fun. Le point sur l'actu de ce jeudi, c'est tout de suite Maxime Poulaouec. Bonjour. Bonjour Bruno, bienvenue à tous sur Fun Radio. Allez, on commence par la météo de ce jeudi 8 septembre. Du soleil quasiment pour tout le monde aujourd'hui. Des nuages et un peu de pluie en revanche dans le sud-ouest, entre le Limousin et les Pyrénées. Et du vent entre la Manche et le bassin parisien. Il fait 15 à 20 degrés ce matin. Dans l'après-midi, comptez 20 à Dunkerque, 21 à Bayonne, 26 pour Paris, 28 à Reims et Tours, 30 à Lyon et 33 à Nîmes. Les profs dans la rue aujourd'hui, ils manifestent à l'appel des syndicats du secondaire contre la réforme du collège. Le cortège parisien partira à 14h de la place de la Sorbonne. Des manifs aussi en région comme à Lille ou Toulouse. Le ministère de l'Éducation ne s'attend pas à de grosses perturbations. À 6 bonbonnes de gaz dans une voiture garée près de Notre-Dame de Paris. Le véhicule a été retrouvé stationné en warning et sans plaque d'immatriculation le week-end dernier. Un couple radicalisé originaire du Loiret est en garde à vue ce matin. Une enquête antiterroriste est ouverte pour savoir si un projet d'attentat a été en cours. Un prix de base de 769 €, Apple a présenté hier soir à San Francisco ses iPhone 7 et 7 Plus. Ils seront plus résistants à l'eau et à la poussière, mais sans prise jack. Vous devrez brancher un adaptateur ou connecter les écouteurs sans fil. Les smartphones seront en vente dès le 16 septembre. 40% des femmes disent avoir été victimes d'une injustice liée à leur sexe. Le gouvernement, avec des associations et des personnalités, lance aujourd'hui un plan et une campagne contre le sexisme. Vous pouvez dès à présent afficher votre soutien sur les réseaux sociaux avec le hashtag sexisme pas notre genre et récupérer un badge sur le site internet du ministère des droits des femmes. Les Jeux paralympiques, c'est parti. La cérémonie d'ouverture a eu lieu cette nuit au stade Maracana de Rio. 126 athlètes français sont engagés. Ils se fixent un objectif de 50 médailles. À Londres, ils avaient remporté 45 médailles, dont 8 en or. Il est 7h35. Vous êtes sur Fun Radio. Merci. On retrouve toute l'équipe de Bruno dans la radio jusqu'à 9h. Bruno dans la radio. Je l'espère bien. 6h-9h sur Fun Radio. Le son dance floor. 7h36, c'est Fun Radio, c'est jeudi, c'est le 8 septembre. Il y a Snake et Bieber là qui arrivent. Le nouveau Martin Garrix s'appelle In the Name of Love. Ça va arriver avant 8h du matin. J'ai une grande nouvelle aujourd'hui, on a le nouvel iPhone à vous offrir. Oui, on vous l'offrira avant 9h. Oui. On va vous l'offrir ce matin, il a été présenté hier soir. On va l'offrir ce matin et le jour de la sortie de l'iPhone, c'est-à-dire le 16 septembre, à la première heure, il sera déjà chez vous. Il est c'est beau. Dealé avec Apple, c'est-à-dire que le jour de la sortie française, à 9h, il sera posé devant votre porte. Vous l'aurez, vous pourrez l'utiliser avant tout le monde. D'accord ? Ça va jouer ce matin. On va l'offrir quoi ? 8h du mat ? On fait 8h du mat ou moins le quart ? Comme tu veux, Bruno. On lance les 8h moins le quart, peut-être comme ça, ceux qui vont en cours, tu vois, à 8h, ils peuvent jouer avant. D'accord, mais alors ça veut dire que si on appelle après à 8h15 et que ça tombe sur répondeur, on offre quand même. On offre quand même. D'accord, ok. Bon, bah on fera ça. À partir de 8h moins le quart, on va lancer pour vous offrir l'iPhone 7 donc, qui a été présenté hier soir, qui est étanche, qui a un casque qui n'a pas de fil. Oui. Ça veut dire qu'on va pas passer une plombe à démêler ce putain de casque d'iPhone qui se met dans le fond de ta poche. Te chauffe pas, le casque qui a pas de fil, il est en plus. On ne l'offre pas dans la boîte, il y a un fil, Bruno. Mais non. Ah bah si. En fait, ils ont tout simplement remplacé la prise jack qu'on connaît par la prise Lightning, ce que j'appelle la prise du chargeur, quoi. C'est tout. Il suffit de le couper le fil et puis ça fait des écouteurs sans fil. Et mais tu n'entends plus par contre. Ouais, ça, c'est le. T'es jamais content. On a lancé le hashtag je ne supporte pas quand. Nous sommes en top tweet France depuis un quart d'heure maintenant, depuis qu'on l'a lancé quasiment. On va revenir dessus au 32-28. Il y a encore des coups de fil là. Vous continuez cette phrase. Vous avez un coup de gueule à passer, vous le faites. Hashtag je ne supporte pas quand. Mais pour l'instant, chanson du jour. On a comme un petit problème. Oh. Le jeudi, Bruno règle vos problèmes avec la chanson du jeudi. Oui. Chanson de ce jeudi, faites sonner le clairon pour Adeline. Bonjour Adeline. Bonjour. Salut. Adeline, tu m'as écrit à bruno@funradio.fr. C'est ça. C'est le passage obligé pour la chanson du jour. Adeline, ton histoire m'a touché et pour cause. Je veux que tu nous racontes ce qui s'est passé avec Jonathan, c'est ton mec. Il a 35 ans et vous avez eu des petits soucis. Est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs de Fun Radio ? Oui, tout simplement. Donc, je connais Jonathan donc depuis 16 ans maintenant. Comme tout le monde, on a voulu avoir des enfants. Malheureusement, la vie fait que on n'a pas tout ce qu'on veut. Et depuis 8 ans, avec Jonathan, on enchaîne les galères entre guillemets. Hein, pas d'enfants, adoption, c'est parcours du combattant, etc. Et depuis ce jour, en fait, Jonathan, qui était super joyeux, super tout ce que tu veux. En fait, il perd confiance en lui, il perd son sourire et il veut pas comprendre que c'est un mec génial. Ouais, d'accord. Et que tu l'aimes malgré tout. Et que je l'aime malgré tout. Je l'ai choisi. C'est pas facile hein, pour l'ego, j'imagine. Moi, ça m'a touché, ton histoire. Ça m'a touché. Pourquoi ? Parce que moi, j'ai vécu ça, le parcours du combattant pour avoir un enfant quand tu ne peux pas en avoir et que le problème vient du garçon, ce qui est mon cas. Et que t'es obligé de faire 8000 démarches pour les fécondations in vitro et que t'es obligé d'y retourner 1000 fois et à chaque fois que t'attends avec impatience que le laboratoire t'appelle en disant que ça a marché et on t'appelle pour te dire que ça a pas marché, etc. Je vous jure que c'est pas facile. Et encore, toi, t'as eu la chance que ça fonctionne. Ouais, bien sûr, bien sûr. C'est pour ça que quand j'ai vu ton truc, Adeline, je me suis dit on va le faire. D'accord. Par contre, ce que je veux dire aussi, c'est que, en plus des galères que tu connais bien, nous, comme on est la famille Pierre Richard, à chaque fois qu'on faisait les tests, ces fameux tests, on arrivait toujours à perdre notre dossier. Ah, d'accord. Ah oui, d'accord. C'est incroyable. Donc, nous, on les cumule. D'accord. Très bien. Bon, en tout cas, Adeline, on a un message à faire passer à Jonathan. C'est ton chéri. On lui fait passer. Et après, tu lui fais passer en direct. D'accord? D'accord. Tu ne bouges pas. Au téléphone avec moi, Jonathan est donc à Grandcourt. Bonjour, Jonathan. Bonjour. Jonathan, je m'appelle Bruno Guillon, tu es en direct sur Fun Radio. Ah, d'accord. Voilà. Et je sais que tu ne t'y attendais pas. Je ne sais pas ce qu'on t'a annoncé en antenne, mais en tout cas, tu es sur Fun Radio. Et si tu es là ce matin, Jonathan, c'est que j'ai un message à te faire passer. D'accord. C'est une chanson, j'aimerais que tu écoutes les paroles, c'est un message de la part d'Adeline. Ah bon, d'accord, très bien. Tu écoutes les paroles, on en parle après ? Y'a pas de souci. Eh ben c'est parti. Si je passe à la radio aujourd'hui, c'est pour te dire à quel point t'illumine ma vie. C'est pour te dire à quel point tu combles toutes mes envies. Tu sais, j'ai vraiment le plus merveilleux des maris. J'espère que t'en doutes pas une seule seconde, car je considère que j'ai vraiment la plus belle vie du monde. Je tiens à le dire sur les ondes. Et t'as pas intérêt de m'abandonner, car avec mon caractère bien trempé, il n'y a que toi qui peux me supporter. Alors je te préviens, tu es condamné à m'aimer. Et c'est pas quelques problèmes de santé qui vont tout gâcher. On a réussi à les surmonter, alors je veux plus te voir douter, mon chéri. Ne perds jamais confiance en toi, car je ne veux pas une autre vie que celle-là. Car sache-le, chaque jour tu me combles de joie. Elliot, il a sorti sa plume de lover. Attention, c'est joli, hein. Pas une vanne. Bon, Jonathan. Oui. Est-ce que t'as compris le message ? Oui, très bien, oui. Il vient bien de ta femme et pas d'Eliott, hein, rassure-toi. Je t'aime. Aline ? Oui. T'es en direct avec Jonathan, ma chérie. D'accord. Coucou, mon cœur. Coucou. Tu m'as fait une belle surprise encore. Bah ouais, bah c'était bon, quoi. C'était une énième tentative de te refaire sourire et de te dire que bah, t'es mon homme à moi, quoi. T'es mon idéal et puis faut que tu changes, quoi. Ouais, y a pas de soucis. De toute façon, c'est pareil, t'es la femme de ma vie et voilà, et ça rien, oh, franchement, j'ai pas. Calmez-vous, hein, le bonheur, ça suffit. Hein. Ça va finir un peu là, ça. On arrête de lancer votre bonheur à la gueule des gens. Non, mais ça fait tellement bien de le recevoir. Oui. Ouais, mais enfin bon, est-ce qu'on a le droit aussi d'être malheureux en couple ? Est-ce qu'on a le droit de se prendre la tête ou pas ? Ah, bah ça, c'est possible, hein, parce qu'il y a la réconciliation derrière. Après. Ah, oui, d'accord. Être malheureux. Les amis, soyez heureux. Merci. Merci. Il est beau, merci, votre Bruno. Amour, il est beau.

On est l'archi élite de l'élite. Bruno dans la radio. 6h-9h sur Fun Radio. Alors là, je suis d'accord. On se met au boulot. 7h48, c'est Fun Radio, c'est jeudi aujourd'hui, le 8 septembre. Le nouveau Garrix. Ça va arriver là. In the name of love. 8h du matin, brioche ou croissant? Et alors le brioche croissant de ce matin, il est gaulerie parce que j'ai attaqué l'émission ce matin en vous parlant de cette émission que j'ai regardée hier soir sur les anciens boys bands. Passé sur D8, et donc il y avait un truc sur les To Be Three. Et faites pas genre les To Be Three. Moi j'adore. Je te vois toi dans ta voiture là qui a 30 ans aujourd'hui et qui fait genre qu'est-ce que c'est ringard et qui à l'époque quand le disque sortait courait devant les magasins de disques pour chanter Red Dingue de toi avec les G-Squad. On sait que tu l'as fait, on le sait. Red Dingue car tu vois, c'est la preuve. Eh bien il faut savoir que le mec des G-Squad, le mec des 2B3. Ah, pardon. Et il y a un mec d'un autre boys band d'ailleurs. Ils Alliage sont, non, c'est Alan Théo. Oh, mais les trois, ils sont associés et ils montent un groupe qui s'appelle Génération Boys Band. Mais non. Ah. Voilà. Et d'ailleurs, invité ce matin, c'est un ex des 2B3. C'est Franck qui fait le brioche au croissant. Voilà. Je vous le dis, donc ce sera tout à l'heure, 8h du matin. Il est 7h50. Les amis. La keynote d'Apple a eu lieu hier soir. La keynote, c'est la présentation du nouvel iPhone. Le nouvel iPhone s'appelle l'iPhone 7. Oui, Bruno. Et sa sortie française est prévue le 16 septembre prochain. Eh bien, moi, ce que je vous propose maintenant, c'est de vous l'offrir. Et là, vous allez dire, ok, d'accord, comment ils peuvent l'offrir? C'est pas possible, il n'est pas commercialisé. Alors, c'est n'importe quoi, il raconte des conneries, Bruno Guillaume. Les amis, nous avons des amis chez Apple. Ce qui veut dire que vous allez jouer maintenant. Et le 16 septembre, à 9h du matin, il y a un postier qui arrivera chez vous qui va vous poser un chronopost avec un joli iPhone 7 dedans, puisque je vous l'offre maintenant. Et le jour de la sortie en France, vous serez le premier à l'avoir. Je m'y engage. C'est la classe. Vous voulez gagner cet iPhone 7, comment ça se passe? Vous envoyez maintenant Bruno par SMS. Deux numéros. 74 900 si vous êtes en France. Bruno par SMS. Au 74 900. Ou alors, si vous êtes en Belgique, vous envoyez Bruno au 63 22. Dans une demi-heure et pas une minute de plus, c'est-à-dire à 8h21, on va appeler un numéro au hasard qui a envoyé un SMS, d'accord, et on offrira cet iPhone 7. Et si vous êtes parti en cours, parce que vous rentrez en cours dans 9 minutes, qu'à cela ne tienne, on laissera un message sur votre répondeur. D'habitude, je veux que ça réponde, mais là, on laissera le message sur le répondeur. Vous le gagnez quoi qu'il arrive, d'accord? Tout à fait. Bruno par SMS, 74 900 pour la France, 63 22 pour la Belgique. Bon courage les amis, ce sera tout à l'heure à 8h21. Il est beau quand même, il est beau, voilà. Il moi, ça me fera mal au cul de foutre 1000 boules dans un téléphone, hein, je vous le dis. Ouais, mais si tu le gagnes, c'est cool. Et surtout, il résiste à l'eau. Enfin, c'est ça qu'on attendait, non? Ouais, parce que et le nombre de fois où on a fait tomber un iPhone dans la cuvette des toilettes après avoir joué à Clash Royale et en se baissant, il tombe de ta poche. Ça arrive à tout le monde. Bon, après, tu téléphones, t'as un peu la laine qui pue la pisse, mais tu récupères quand même ton téléphone. Sébastien est à Fontenay-sous-Bois. Bonjour Sébastien. Bonjour Bruno. On a lancé ce matin un sujet, ça va super bien. On a lancé ce matin un sujet via Twitter avec le hashtag je ne supporte pas quand. C'est parti de Christina qui a passé un coup de gueule contre son mec, qui ne supporte pas quand son mec lui parle alors qu'elle est au téléphone. Et on s'est dit tiens allez hop, on se soulage, on balance. Sur Twitter c'est en top tweet France depuis une demi-heure et donc on en prend également au standard. Qu'est-ce que tu supportes pas toi Sébastien? Ah, je sais que je supporte pas quand on me met un vu sur Facebook et qu'on me répond pas. Qu'on répond pas, oui, c'est-à-dire... Oui, d'accord, mais avec Messenger, t'écris un message à quelqu'un. On voit le message, on met le vu, mais si on ne répond pas derrière. Ah ouais, c'est tellement agaçant. Ouais, je peux comprendre, je peux comprendre. Ouais, du les coup, mecs, les mecs qui mettent 1000 ans à répondre. Bah après, tu fais la gueule, du coup, parce que t'as l'impression qu'on te snob, en fait. Les gens qui mettent 1000 ans à répondre à un message. Je veux pas te parler, du coup. Ça me fatigue. Ouais, non, je comprends Sébastien. Je t'embrasse, mon pote. Mais moi, c'est pour ça que sur Facebook, pour l'inbox, je commence à lire le début du message. Et si je me dis, ouais, ça va être chiant, je l'ouvre pas comme ça. Je sais que la personne ne verra jamais. Charlotte anime. Bonjour, Charlotte. Bonjour, Bruno. Bonjour, la famille. Bonjour. Qu'est-ce que tu supportes pas? Moi, je ne supporte pas quand mon mec dort à poil dans mon lit. Ah bon? Pourquoi? Je trouve pas ça hygiénique, en fait. Ah, ouais. Bah, et on disait ce matin, une fois par semaine, faut changer de bras. Voilà, alors moi, c'est ça. Charlotte, moi, je dors complètement à poil. Moi bah aussi. Oui, ça va, ah, si bah, t'es moi, propre. Moi, je suis la team à poil. Non, mais c'est pas qu'une question de propre, c'est que tu perds tes poils. Ah non, mais c'est juste que c'est... Non, je peux pas. On perd nos poils, hein, comme les chiens. Ah, les c'est vrai. Mais pour voilà. Ça, vous êtes chiants, les mecs. Vous mettez des poils partout. Hein. Moi, j'en ai pas. Hein. Pas je t'embrasse, Charlotte. Le message est passé. Cécile à Provins. Bonjour, Cécile. Bonjour, Bruno. Bonjour, la famille. Qu'est-ce que tu supportes pas? Alors, je ne supporte pas quand on regarde derrière mon épaule quand je suis en train d'écrire des messages. Ah ouais, pareil. Ah ouais, c'est insupportable. Non, là, tu sais quoi, c'est la peine de mort. Mais... c'est ça. Que tu sois en SMS, sur Facebook, sur Snap ou quoi, ok, ça m'insupporte. Ouais, ouais. C'est pareil. Cécile, je comprends, je te fais des bisous. Même catégorie pour les gens dans le train, la TGV qui regarde ta série sur ton ordinateur. Ah ouais. Tu veux quoi? Tu veux mon écouteur? Qu'est-ce qu'on fait? Mais c'est ça. Lucas, il a 15 ans, il est à Compiègne. Bonjour, ouais, Lucas. Salut la famille. Qu'est-ce que tu supportes pas, mon pote? Alors, je supporte pas quand on referme mal la bouteille d'eau gazeuse parce qu'après il y a plus de bulles. Mais bien sûr. Même chose pour le coca, pour tous les délires. Mais l'eau gazeuse, c'est pour un dégât, il y a pas de bulles, c'est dégueulasse. Et ben on est d'accord. Lucas, tu rentres en quel cours là à 8h? Ouh, j'ai vite gaz, mais après j'attaque sur du français, donc c'est pas rien. Bon, ben bon courage à mon pote. Sur Fun Radio tout de suite, c'est DJ Snake. We were burning on the edge of something beautiful, something beautiful. Selling a dream, smoking mirrors keep us waiting on a miracle, on a miracle. Sur Fun Radio. Le JPI sur Fun Radio. Faux journal de l'émission, deuxième édition. Bonjour, je suis Karina Siamer. Bonjour, je suis Mika Rokia et voici l'édition de 7h50 du JPI.

Bonjour à tous, allez, on commence par la météo de ce jeudi 8 septembre. Une belle journée de soleil sur les trois quarts du pays, mais des nuages pour le sud-ouest avec un peu de pluie. Il y aura du vent entre la Manche et le bassin parisien. Ce matin, comptez 14 à 20 degrés. Dans l'après-midi, il fera 20 à Cherbourg, 21 à Biarritz, 22 pour Rochefort, 26 degrés en région parisienne, 30 à Lyon et 33 à Nîmes. Plus résistant et plus performant, Apple a dévoilé hier soir son iPhone 7. Il sera disponible à la vente le 16 septembre à un prix de base de 769 €. Il résistera mieux à l'eau et à la poussière et ne sera pas doté d'une prise jack. Il faudra connecter les écouteurs sans fil ou brancher un adaptateur. La réforme du collège contestée par les profs du secondaire. À l'appel des syndicats, ils manifesteront aujourd'hui dans toute la France, à Paris, Lille ou encore Toulouse. Dans la capitale, la manif partira à 14h de la Sorbonne, mais le mouvement sera peu suivi selon le ministère de l'Éducation, seulement une semaine après la rentrée scolaire. À 6 bonbonnes de gaz dans une voiture, elle a été retrouvée stationnée le week-end dernier à proximité de la cathédrale Notre-Dame à Paris. Un couple radicalisé originaire du Loiret est en garde à vue depuis mardi soir, alors qu'une enquête antiterroriste est ouverte. La police cherche à savoir si un attentat était en projet. D'autres interpellations devraient suivre. Le palmarès des villes où il fait bon étudier, il est dévoilé en cette rentrée scolaire par l'étudiant selon plusieurs critères comme les formations, le logement et les transports. Grenoble prend la tête devant Rennes et Toulouse. Lyon est quatrième. Concernant les villes de plus petite taille, on retrouve La Rochelle, Pau et 3. En tennis, on connaît les deux demi-finales de l'US Open. Stanislas Wawrinka vient de se qualifier contre Del Potro et affrontera le japonais Nishikori. Dans l'autre match, le français Gaël Monfils affrontera le numéro 1 mondial Novak Djokovic. Le match se jouera demain soir. Bon réveil sur Fun Radio avec toute l'équipe de Bruno. Fun Radio. Jeudi, c'est le 8 septembre, c'est Fun Radio que vous écoutez. Il est 8h05. Bonjour. Bonjour. Oh, et je suis content de vous ressortir ça là. Je crois que c'est un de mes titres préférés de Martin Solveig. Il l'a joué quand on est allé le voir à Ibiza. Là, on a fait la fin de saison à Ibiza, vous le savez, avec des auditeurs de Fun Radio. Comment il s'appelait le bar sur lequel il mixait là, avec le coucher de soleil? Je me rappelle plus, mais c'est le plus beau coucher de soleil de ma vie. Café Mambo. Et il a joué le Hello, comment te dire, avec une petite bière, le coucher de soleil. C'était extraordinaire. Jonas Blue arrive également, Perfect Stranger et le nouveau Pitbull. Tiens, on vous l'a passé hier, Green Light. Écoutez ça, à l'ancienne. Ça va bien ce soir. Ça va danser dans les mariages. Parce que ça, tu kiffes, t'as 15 ans, c'est un nouveau son. Et puis papy quand on a 60, il dit hey, yo, ça me rappelle le funky. Et hop là, il bouge ton boule. C'est avec Florida là, ça arrive sur Fun Radio. L'équipe de Bruno dans la radio est là ce matin, il y a Christina. Bonjour. Il y a Vache. Bonjour. Et il y a Elliot. Bonjour Bruno. Il a mis son petit gilet, la petite chemise. Ah, vous êtes chic tous les deux. La chemise col Claudine, on peut dire un peu, Elliot. Col Claudine, c'est pas tout à fait ça. Et elles colleront un peu, mais alors je voulais mettre une cravate, mais je sais pas faire les nœuds. Il va falloir que tu m'apprennes. Mais dans le bureau. Mais tu sais, et fiston, tu me donnes le nœud, je te prends notre cravate. Tu l'as mis la cravate ou pas? Oui. Bah, je te la ferai. Oui, mais il faut savoir que nous avons fêté l'anniversaire d'Eliott un peu avant cet été, d'accord? Et que Eliott est épicurien, il aime bien les bons restaurants. Ah oui. Bon? Mais oui. Je suis bizarre, j'aime autant un bon McDo, il n'y a pas de blague à ça, un restaurant où m'emmène Bruno ce midi, un restaurant super bon. Voilà. Mais moi, donc, je t'inviterai au McDo si ça ne dérange pas. Et donc, comme cadeau d'anniversaire à Eliott, je lui ai offert un restaurant qui est super bon, qui est, je crois, un des meilleurs de Paris. Tout à fait. Avec un grand cuisinier. On peut dire le nombre d'étoiles? Il y en a trois. Trois étoiles. Ouais, je crois qu'il a 19,5 au Michelin. Voilà. Et vous y allez tous les deux ce midi. On y va amoureux. Pour essayer de lui donner le 0,5 en plus. Qui est lui. Voilà. J'y connais que dalle. Pour moi, Michelin, c'est une carte routière. Et dans les restaurants, on mange des pneus. C'est ça. Bon, tiens, puisqu'on parle de bouffée, brioche ou croissant, c'est le choix difficile que nous demandons chaque matin à des invités. Et l'invité de ce matin, il a fait partie d'un groupe culte. Voilà, il faut le dire, c'est vrai. Moi, j'avais une amitié particulière pour Philippe Nicolic des 2B3, moi, franchement. Alors aujourd'hui, cette bonne guerre de se foutre de leur gueule, n'empêche que le gars, il remplissait des stades, il était super beau gosse, il était adorable. Moi, j'ai pas honte de dire que j'aimais bien les To Be Sweet, voilà. Et les L5, qui aimait bien les L5? C'était pas mal, c'était bien. Mais ouais, surtout. Elles étaient un peu en prise de boulard, les L5. Ah ouais, ouais. Mais surtout, je pense que là, son nouveau projet, à Franck, ça va vraiment cartonner. Je pense qu'il y a un vrai public pour ça. Hein. Ouais, il remonte un groupe. J'ai appris ça hier à la télé avec le chanteur des G-Squad. Ouais. Et Alan Théo. Exactement, ça va s'appeler Génération Boys Band. Et ils vont proposer de reprendre, en fait, bah, des titres qu'on cartonnait de Boys Band il y a quelques années. Ouais. Et ils feront même les chorégraphies qui vont avec. Alan Théo, c'était ça. Emmène-moi. Alone, you're gonna be to fly. Je suis pas sûr que c'était ça, les paroles. En gros. Et les G-Squad, c'était ça. Et je le disais, là, vous êtes en train d'écouter la voiture, vous êtes dans les bouchons. Je te vois, toi. Je te vois avec tes 30 ans. Je te vois avec tes 30 ans, avec cette jupe que tu mets. Oui, elle te sert un peu, mais t'es quand même un peu gaulé, toi qui as 30 ans. Toi, cette fille qui, il y a 15 ans, dansait là-dessus, criait, achetait au Quai Podium. Gardez les affiches pour les accrocher dans ta chambre. Tu peux pas cracher sur ces boys bands qui t'ont fait rêver. Et c'est pour ça que ce matin, c'est Franck des 2B3 qui répond à brioche ou croissant. Brioche ou croissant? Go. Croissant. Bah, je suis unique, je suis pas trop brioche, pas trop croissant. Hein. C'est super calorique ce truc-là. Donc, c'est un de temps en temps. Hein. Et pourquoi? Parce que non, les croissants, j'aimais les croissants au beurre. Enfin, si je devais choisir, ce serait croissant au beurre. Stylo bille ou stylo plume? Stylo bille. Écouteurs ou casque? Oh, casque. Parce que t'es isolé dans ta bulle, c'est mieux. C'est plus confortable. Tutoiement ou vouvoiement? Tutoiement. FIFA ou PES? C'est jamais passé, ça. Gants ou moufles? Des gants, ouais. Sucré ou salé? Sucré. Nutella ou pâte à tartiner? J'en mange plus, non, et puis sinon je prends de la pâte à tartiner. Bus ou métro? Je te dirais métro, mais je suis scooter. Marché ou supermarché? Ah, je vais à côté de chez moi, je suis vraiment un feignant. Supermarché. Gros sein ou petit sein? Je préfère les formes. Le rire de pervers. Et on parle de la voix un peu de chagasse de Meryl ou pas? Elle a une voix mais sublimissime, Meryl. Ah bon, merci. Ouais. Brioche. Croissant. Mais t'en rajoutes un peu trop là, non? Pas du tout. Naturel. Je rêve, quoi. J'ai l'impression que t'en fais un peu des caisses. Tu prends ça un peu trop à cœur. J'adore. Le nouveau Boosty, il est déjà sur Fun Radio. Ça s'appelle Popcorn et dans 3 minutes, je paye de la facture. Fly like a bird, you know what about it. Stay with me, we rock the party. You're in my mind when my world goes down. Fly like a bird, you know what about it. Stay with me, we rock the party. You're in my mind, everything's alright. Se fédérer pour éviter de vivre le sentiment que vide est le sablier. Manier l'amour d'une certaine manière. Car au bout du compte, nous sommes des milliers. Je continue de penser que le bonheur est fait pour alléger les âmes en avoir l'impression d'être sous. Faites-vous à l'idée qu'on est peut-être fou. En fait, faut s'allier, s'aimer dans un effet de foule. Fly like a bird, you know what about it. Stay with me, we rock the party. You're in my mind when my world goes down. Fly like a bird, you know what about it. Stay with me, we rock the party. Veux-tu vivre dans un monde sans soleil? Nous c'est l'amour qu'on veut semer, le sentir fleurir sous nos semelles. Mais c'est hyper dur quand la haine perdure. Mieux vaut essayer alors qu'on sait que tout est perdu. Donc je me sers de l'idée qu'on est peut-être fou. En fait faut s'allier, s'aimer dans un effet de foule. Je ne capte pas les gens pas aptes à s'adapter. Tu ne veux pas survivre en apnée. Les gens pas aptes à s'adapter ne captent pas que nous ne sommes que des calques. Je capte pas les gens pas aptes à s'adapter. Qui ne veut pas survivre en apnée. Les gens pas aptes à s'adapter ne captent pas que nous ne sommes que des calques. Fly like a bird, you know what about it. Stay with me, we rock the party. You're in my mind when my world goes down. Fly like a bird, you know what about it. Stay with me, we rock the party. Oh, t'adapter. Tu ne veux pas survivre en apnée. Je capte pas les gens pas aptes à s'adapter. Tu ne veux pas survivre en apnée. Vous arrivez maintenant sur Fun Radio. Sachez que nous avons une bonne surprise. Une bonne surprise grâce à nos poteaux d'Apple. Le jour de la sortie du nouvel iPhone 7 en France, le 16 septembre, au matin, vous serez le premier ou la première à avoir le nouvel iPhone chez vous, posé par la poste, dans votre boîte aux lettres. Ou chez vous, ils vont frapper. Peut-être qu'ils vont vous le donner de la main à la main, parce que sinon, c'est un coup à se le faire chourer. Vous gagnez l'iPhone 7 ce matin. Il a été présenté hier soir lors de la keynote d'Apple. Ce matin, vous le gagnez sur Fun Radio. C'est le 32Go, valeur 769€. On vous l'offre ce matin. Il va partir chez vous et vous l'aurez le jour de la sortie. 16 septembre. Étanche à l'eau, meilleur capteur photo, pas de prise de casque. Il est beaucoup plus puissant. On a donné le descriptif tout à l'heure avec Elliot. Vous voulez le gagner, c'est simple. Vous êtes en France. Vous envoyez Bruno par SMS au 74 900. Vous êtes en Belgique. Vous envoyez Bruno par SMS au 63 22. Et dans 7 minutes maintenant, il ne reste plus que 7 minutes. C'est-à-dire, vous dites pas, j'ai tout le temps. Dans 7 minutes, on va faire un tirage au sort parmi tous les SMS que nous avons reçus et je vais appeler en direct. Si vous êtes en répondeur parce que vous êtes au boulot, c'est pas grave, on vous laissera un message et vous aurez, quoi qu'il arrive, gagné le téléphone. C'est dans 7 minutes. Et là, vous vous dites, mais oui, mais si les gens ont déjà envoyé des SMS avant, j'ai aucune chance de gagner. Eh ben si, parce que c'est que pendant une demi-heure. Et l'ordinateur, oui, il va choisir un numéro au hasard. Donc, soit depuis 8h moins 10, soit là, d'il y a 2 minutes, ou soit maintenant. Bruno par SMS, 74 900 pour la France, 63 22 pour la Belgique. Pour nos amis belges, Bruno, Bruno, ça s'écrit avec un R et pas plusieurs parce qu'on les connaît quand ils font. Excuse-moi. Hormis le fait que, oui, je t'ai dit que je ne voulais pas de l'accent, oui, belge à l'antenne, oui, sinon je vais te casser la gueule. D'accord. T'as attaqué avec l'accent chinois en plus. Donc, arrête avec les accents. D'accord, Bruno. Merci, 8h15. Bruno, allô, paye vos factures avec Sam, le conducteur désigné. Tous les jours. 7h15, 8h15 en direct sur Fun Radio. Ça y est, maintenant je dis 7h15, 8h15, ça va plus vite. Je paye de la facture tous les matins. Et alors cette semaine, on s'est associé à la sécurité routière. On paye les factures des SAM. Vous avez été SAM cet été. Vous avez donc emmené vos amis en teuf. Vous les avez ramenés en bonne santé surtout. On vous paye vos pleins de voitures, vos notes de taxi, vos billets de train, vos chambres d'hôtel, vos locations de logement. Tout ça, c'est à facture@funradio.fr. Et si on vous appelle en direct le matin, votre facture, c'est cadeau. On part aujourd'hui à sa mère, dans le Pas-de-Calais. Allô ? Eugénie ? Oui ? Bonjour Eugénie ! Bonjour Bruno ! Bravo ! Oh, c'est trop cool ! Oh, c'est toi ! Oh, je crois pas ! Comment ça va ? Bah, ça va très bien ! Tu fais quoi dans la vie à sa mère ? Je suis secrétaire. D'accord, secrétaire à sa mère. C'est sa mère. C'est la secrétaire à sa mère. Ah, on dit sa mère. C'est con parce que ça me faisait rire, sa mère. Sa mère. Sa mère, la pute. Non, rien. Ça marchait pas, de toute façon. Dis donc, je sais. 535€, qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est une occasion pour un vite. Je suis désolée. Pourquoi tu pleures ? Non, parce que je suis contente. Bah, non, mais nous, on est totalement insensibles, hein, donc on reprend ta voix normale. Vas-y. Location d'un gîte, explique. C'est une location d'un gîte de groupe pour l'anniversaire de mon homme qui fête ses 40 ans. D'accord. Et j'ai voulu en fait louer un gîte pour éviter que tout le monde puisse repartir dans la nuit et que, ayant bu un coup en disant que moi, c'est moi qui bois, c'est toi qui bois. Et du coup, ouais, comme ça, là, tout le monde peut être bourré et personne prend la voiture. Voilà. Et ben voilà. Et ben tu sais quoi, c'est une bonne idée. Et ben je paye la location du gîte. Je suis contente. Ça fait plaisir. Oh, allez, viens nous faire un câlin, va. Moi, j'aimerais bien. Mais oui, viens à Paris. On fera un gros câlin. On mettra pas trop d'habits. Allez. Merci beaucoup. Merci. Je suis vraiment contente. Eugénie, tu sais quoi, ça me fait très plaisir. Je t'embrasse très fort. Merci. Passe une belle journée. Ciao, ma belle. Merci beaucoup. Elle va être belle. Ciao, ciao. Bisous, oh là, ma bichette. Plaisir. Est-ce que j'adore mon métier ? Martin Solveig. Ça arrive sur Fun Radio. Tiens, et j'ai un sujet à lancer. Je suis tombé sur une enquête. Si vous êtes juste en couple, là, bah, j'aimerais que vous m'appeliez. Si vous avez été récemment en date, un rendez-vous amoureux, je suis tombé, en fait, sur les phrases qu'il faut dire, les questions qu'il faut poser au premier rendez-vous. Ah, ça peut aider. Bah, même si vous en avez un, par exemple, ce week-end.

c'est un peu dommage de les pénaliser, tu vois, de passer à côté du délire. Donc quoi qu'il arrive, on vous l'offre. On va vous appeler là en direct sur Fun Radio. Le temps d'écouter Martin Solveig. Il fait plaisir ce petit hello là pour attaquer cette journée de jeudi. C'est Fun Radio, bonjour la France. Il fait vraiment plaisir ce titre. Le nouveau Pitbull, vous l'avez découvert sur Fun Radio. Regardez quand ça part. Oh, j'adore. Avec Florida, Green Light. Il donne envie de chanter ce titre. Il est bien. Green Light. Oh, yo, yo, yo. Bruno dans la radio. Yo, yo, yo. Ça arrive sur Fun. On arrête la parlotte et on dépote. Vous êtes prêts? 6h-9h on Fun Radio. La première phrase qu'on vous dit ou que vous demandez quand vous faites un date, c'est quoi? Je vais vous dire si c'est bien ou pas, parce que moi j'ai les phrases qu'il faut, les questions qu'il faut poser quand on a un premier rendez-vous. Je vous ai demandé d'appeler là au 3228 si vous utilisez notamment Tinder. Bonjour Tiff. Bonjour Bruno, bonjour la famille. Bonjour Tiffen, Tiffany. Tiffen. Tiffen, est-ce que tu utilises Tinder? Non, mais j'utilise Appen. Ah, non, c'est le même genre. C'est quoi la différence entre Appen et Tinder? Ouf. Ah bah Tinder je connais pas du tout, mais Appen bah voilà, Appen je connais. C'est le même principe, sauf qu'au lieu de liker, c'est quand tu croises quelqu'un dans la rue, ça te dit que tu l'as croisé et tu demandes si tu veux parler avec lui ou pas, quoi. D'accord. Ah voilà, ouais les personnes que tu croises pas, ouais, tu tombes pas dessus, quoi, en fait. Tu peux pas voir leur profil, ouais. Mais c'est ça. Tiff, explique, est-ce que t'as réussi à pécho grâce à ça? Bah, ça m'est arrivé une fois ou deux, mais justement là récemment j'ai rencontré un garçon qui était très très sympa, mignon, tout ça. Et en fait justement je lui ai posé une super question que j'aurais pas dû. C'était quoi la question? Mais non, mais en fait je lui ai demandé combien de filles il avait rencontrées sur cette appli. Ah. Et bien, il m'a dit une vingtaine.

Chez Bouygues Télécom, la Bbox Miami est à 14,99€ par mois pendant un an au lieu de 26,99€. Appelez gratuitement le 3106. Location box 3€ par mois, engagement 12 mois, offre soumise à conditions et éligibilité. Mère de famille et ancienne infirmière, Christine s'est toujours occupée de tout. Elle s'est occupée de la maison et de ses trois enfants, puis elle a décidé de s'occuper à nouveau de sa carrière. Et grâce au Bon Coin, elle s'occupe désormais de la santé des autres. Le Bon Coin, c'est plus de 300 000 offres d'emploi pour trouver votre place. Bougez pas, Bruno. Je peux vous dire que Karina du JPI, elle est là avec son trophée. Regardez comment elle se la pète. J'ai mon trophée et je vais le garder, les gars. Vous voulez choisir Karina pour le jeu des 30 secondes, vous appelez le 3228. Elle peut vous permettre de gagner un overboard, mais c'est également le cas de n'importe qui dans l'équipe. Jeu des 30 secondes, c'est juste après les news. Fun Radio. Le son. Fla. Le point sur l'actu de ce jeudi 8 septembre, Maxime Poulaouec. Comment ça va, Max? Très bien, Bruno. La météo, c'était assez ouf hier, on va pas se mentir. Putain, météo hier après-midi, j'ai l'impression qu'on était en plein été. J'ai vu des images. Ceux qui habitent, c'est bien, ceux qui habitent vraiment dans les stations balnéaires, tu vois, dans le sud, etc. Ils sont contents parce que là, ils profitent de leur plage de chez eux. Oh, ils ont tellement de chance. À un moment, ils sont en fierté en mode, bon, c'est bon, les touristes, c'était sympa, maintenant on récupère notre plage à nous, nous faites pas chier, c'est chez nous, on est poseille. C'est le même cas aujourd'hui ou pas? Eh bien non, ça se dégrade dans le sud-ouest, on pourra pas se baigner cet après-midi. Si vous êtes sur la côte basque, des nuages qui vont remonter à des Pyrénées jusqu'au Limousin. Ailleurs, en revanche, un temps toujours très ensoleillé, mais des rafales de vent dans le nord-ouest avec des températures cet après-midi, 20 à Cherbourg, 24 à Lille, 26 à Paris ou encore 33 à Nîmes. Des bonbonnes de gaz dans une voiture à Paris, elle était stationnée le week-end dernier, non loin de Notre-Dame. L'enquête antiterroriste continue pour savoir si un projet d'attentat était en cours. On apprend à l'instant qu'un deuxième couple est placé en garde à vue. La fille de la propriétaire de la voiture, décrite comme radicalisée, est toujours activement recherchée. Le mouvement devrait être peu suivi. Les profs sont en grève aujourd'hui à l'appel des syndicats du secondaire. Une semaine seulement après la rentrée scolaire, ils s'opposent à la réforme du collège. Une manifestation partira à 14h de la place de la Sorbonne à Paris. Dites stop au sexisme. Association Personnalité Gouvernement lance aujourd'hui une campagne contre ces humiliations du quotidien. Vous pouvez participer à votre façon en arborant un badge disponible sur le site internet du ministère des Droits des Femmes ou sur les réseaux sociaux avec le hashtag sexisme pas notre genre. Et puis à l'iPhone 7 le 16 septembre en boutique, le nouveau smartphone d'Apple a été présenté hier à la keynote de San Francisco. Son prix de vente, 769€. Il se veut plus résistant à l'eau et à la poussière. Et parmi les autres nouveautés, un meilleur appareil photo et la suppression de la prise jack. 8h35, vous êtes sur Fun Radio, c'est Bruno. Sérieusement, il y a une case qui vous manque ou quoi? Bruno dans la radio. 6h-9h. Sur Fun Radio. Jeudi, c'est le 8 septembre, c'est Fun Radio, Jonas Blue. Ça va arriver, et le nouveau Pitbull, voilà, j'adore. Avec Florida, Green Light. Vous aviez compris que j'aimais bien. Balance le son. Moi, j'ai un tout petit problème avec ce morceau, c'est que moi, je suis très attentive aux petits bruits dans les chansons. Et là, il y a un petit bruit qui me pourrit le morceau, là. Ça. Ouais, c'est rien. Tout, tout, tout. Non, ça va. On va pas s'arrêter à ce genre de détails. On passe le coup de fil maintenant pour l'iPhone 7, ou vu qu'on a fait le tirage au sort, de toute façon, on sait qu'on va l'offrir. On peut appeler dans un quart d'heure, c'est pas gênant. On est d'accord, ça y est, t'as fait le tirage, Loseman, t'as fait le tirage comme je t'ai demandé. Bah bien sûr. Donc on va, je fais toujours mon travail. Il tente quelque chose, Bruno, le juge pas trop vite, s'il te plaît. Moi, je pense qu'on a les boches de One Man Show. Par contre, je sais pas qui ira voir ce One Man Show. Les boches d'un One Man Show? Les boches, les boches. Mais c'est comme il est du sud-ouest, il dit les boches. Ah oui, on dit jaune aussi, on dit rose. Enculé! Quel rapport avec les Allemands? Moi, je suis un peu tendu. Bon, on va appeler, voilà. Et de toute façon, il n'y a pas de panique, puisqu'on laissera un message sur votre répondeur si vous n'êtes pas dispo. Quoi qu'il arrive, si on vous appelle vous, vous aurez votre téléphone. Donc là, du coup, on peut tout de suite aller sur le jeu des 30 secondes. L'essentiel est de ne pas paniquer. Le jeu des 30 secondes. Je sens que je vais faire un carton à ce jeu. Sur Fun Radio. Olivia, elle est de Boulby dans le 92, Boulogne-Billancourt. Applaudissements pour Olivia. Salut la famille. Salut. Olivia, tu fais quoi dans la vie? Serveuse. Serveuse dans quoi? Dans la restauration? Dans un resto, ouais. D'accord, du côté de Boulogne-Billancourt ou à Paris? À Paris. À Paris, d'accord. Tu veux donner le nom ou pas? Ils sont pas cool. Non, je préfère pas. D'accord. Je suis en moyenne intense. D'accord, il n'y a pas de souci. Je vais rester longtemps. Olivier, ce matin, tu joues face à Arnaud. Il est à Bayeux dans le Calvados. Il est routier. Applaudissements pour Arnaud. Ouais. Salut Bruno, salut toute l'équipe. Salut Arnaud. Arnaud, 19 ans. Salut, salut. C'est bien ça, c'est 19 ans Arnaud. Hein, toi, ouais, bah, ouais. D'accord. Bon, alors Arnaud, Olivia, règle du jeu des 30 secondes. Vous choisissez quelqu'un de l'équipe qui, en 30 secondes, tente de vous faire découvrir une liste de mots qu'il découvre en même temps que vous. À vous de trouver le maximum de mots pour repartir avec un overboard. Ça vaut 400 boules, un overboard qu'on vous offre. Vous le gagnez ce matin. Il y a une nouvelle règle depuis le début de l'année, c'est que le gagnant ou la gagnante de la veille garde son trophée et le remet en jeu. Donc hier, c'est Karina qui m'a battu. J'avais eu 3 victoires d'affilée. Karina en est à sa première. Elle rejoue ce matin. Qui de vous deux veut jouer avec Karina ? Moi ! Karina va tout déchirer. On va Arnaud. Tout déchirer, mon pote. Arnaud joue avec Karina, ça veut dire qu'Olivia, tu dois choisir quelqu'un de l'équipe pour t'accompagner et tenter de te faire gagner. Alors, je me suis dit, pourquoi pas une battle du JPI et donc pourquoi pas Mika ? Ah, très bon choix, Olivia. Bien, bien, bien. Bien. Mika contre Karina. Je vais te défoncer. Je vais te tuer. Je reconnais cette bonne ambiance du bureau. C'est clair. Et bah tu sais quoi, c'est Olivia qui va commencer avec Mika. Ok. Mika découvre la liste de mots au moment de lancement du chronomètre, d'accord. 30 secondes pour trouver un max de mots. Est-ce que t'es prête, Olivia? Oui. Top chrono, c'est parti. Ok, c'est le portable d'Apple. iPhone. Ouais, ça c'est à l'école en français, la maîtresse elle lit un texte et tu dois l'écrire. C'est là. Une dictée. Ouais, ça c'est un sandwich chaud, il y a du pain, du fromage, du jambon et du fromage. À croque monsieur. Ouais, c'est pas grand, c'est petit. Ok, pour lire un truc qui est tout petit, tu prends une. Une loupe. Ouais, quand tu avances, on dit que tu. Marche. Non, là on est en train d'essayer de le jeu. Gagner. Gagnant. Seconde. Continuer, c'est pas facile. Ouais, continuer, non. C'est compliqué. Mais bon, ça fait quand même 5 points. Eh, bravo, Olivia. Ouais. Bravo. Oui, Olivia, merci, Mika, t'es super. Olivia, 5 points, t'es pas mal. Ouais. Vraiment. Bon, Arnaud, ça te fout la pression. Oh, ouais, quand même. Et ça fout la pression aussi à l'autre quiche de Siameur. Écoute, Arnaud, faut que bien que tu m'écoutes, ça va aller très très vite. T'inquiète pas. Karina, t'es prête? Regarde. J'ai remonté mon slip. Elle est là, ma zoulette, ou pas? Mon slip. Elle est là, ma zoulette, on a l'impression qu'elle a braqué une bagnole. Regarde là. T'es prête ou pas? Je suis prête. Top chrono, c'est parti. Ok, elle peut être éclair. C'est pour ton pantalon, ta braguette. C'est une, un éclair. Fermeture. Ok, quand tu sors les poubelles dans un immeuble, tu peux les mettre dans le... local. Non, c'est dans ta cuisine. C'est en deux mots. C'est les poubelles, l'autre mot, c'est... Je sais pas, ouais. Un autre mot pour dire poubelle. Corbeille. Non, un autre mot pour dire la poubelle. Les autres. Non, tu l'as pas, donc je vais chanter une chanson en attendant. Mais décompose, Karina. Regarde Mika. T'es fumé. Toi, j'ai traqueté à la sortie, c'est tout ce que tu mérites. Arnaud, en même temps, il est à Bayeux. C'est peut-être un truc où c'est vraiment grande ville, ouais. Ouais, c'est le vide ordure. Je sais même pas ce que c'est. Un vide ordure, voilà, ouais. J'aurais pas trouvé. Hein. Ouais, moi non plus, j'avoue. Arnaud, désolé, une seule bonne réponse. Olivia, regarde, tu peux chanter avec Mika. Merci Mika, ça s'est déchiré. Il s'est cru à The Voice. Oh, yeah. Donne-moi ce trophée. Olivia, tu gagnes. Merci la famille. Bravo Olivia. Il est pour toi. Il est pour toi l'overboard, d'accord ma belle. Oui, super. Je te fais des bisous, passe une belle journée. Merci, elle commence bien grâce à vous. Eh ben tu m'étonnes. Tiens, vous savez quoi, puisqu'on est dans les cadeaux, j'appelle tout de suite un numéro au hasard pour l'iPhone 7. Comme ça, c'est fait, on enchaîne, on déroule et tac, tac, badaboum, on appelle quelque part en France. Si vous avez envoyé un SMS entre 8h10 et 8h20, l'iPhone 7, on l'offre en avant-première. On va enfiler toute la semaine. Le jour de la sortie française, le 16 septembre, livraison avec Apple, c'est devant chez vous dès 9h. Et on a dit, si c'est un répondeur, c'est pas grave, on file quand même parce que les gens sont peut-être au boulot. Ça sent le répondeur. C'est le 32 gigas qu'on offre. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur d'Audrey. Je ne peux pas vous répondre pour le moment. Alors, laissez-moi un message et puis je vous rappellerai plus tard. Merci, au revoir. Bah, il faut le bip. Ah. Audrey,

On arrête la parlotte et on dépote. Vous êtes prêts? Ouais! 6h, 9h. On Fun Radio. Jeudi, c'est le 8 septembre, c'est Fun Radio. Le nouveau Pete's Bull. Il va arriver dans quelques secondes. J'adore. Et du Pitbull au chat. Et enchaînement. Il n'y a qu'un pas qu'on va franchir maintenant. Bonjour Sophie d'Épinal. Bonjour, salut tout le monde. Coucou. 21 ans, tu fais quoi dans la vie ma chérie? Chargée de clientèle. Chargée de clientèle dans les Vosges, à Épinal. Oui. Sophie, tu as suscité mon intérêt puisque tu as appelé le 3228. Et déjà, oui, je t'en remercie, c'est toujours très sympa de votre part de prendre un peu de temps pour faire de la radio avec nous. Et alors, oui, tu as suscité mon intérêt puisque tu as dit que ton chat t'avait porté chance. Et oui, tu connais mon sentiment sur les chats. Oui. Je suis à la tête de ce mouvement qui tente de faire prendre conscience aux Français dans un premier temps, mais au monde entier. Après, que les chats sont des créatures du diable, qu'ils sont là pour conquérir la planète, qu'ils sont en train de s'organiser en confrérie, par ville, par village, par gouttière, et que le jour viendra où ils prendront la tête de la planète, les amis. Et je sais que certains m'envoient des messages en me disant comment on ne peut pas aimer des chats, comment on ne peut pas aimer ces petites bêtes en m'envoyant des photos de ces sacs à merde que je déteste. Arrête ! Excusez-moi, je vois des images, je vois des... Excusez-moi, messieurs, dames, mais je reviens dessus. Mais est-ce que vous avez déjà vu... J'ai vu encore il y a deux jours une info, oui, comme quoi un labrador avait marché pendant plus de 4000 km pour retrouver son maître. Mais un chat aussi, c'est arrivé il n'y a pas longtemps. Après 7 ans, il y a une propriétaire en France qui a retrouvé son chat. Eh bien, mais il est revenu parce qu'il avait envie de bouffer. C'est tout, bien sûr. Il est parti en... Le chien, il avait... Quand tu rentres chez toi, le chien, il remue la queue, il est content quoi qu'il arrive et tout. Le chat, il vient de voir s'il a envie. Mais oui, parce que tu ne fais pas d'efforts, Bruno. Il est plus discret aussi, il est tranquille, le chat. Le chien, c'est comme un pote, genre, t'arrives chez lui, il te fait « Ah, comment tu vas? Vas-y, viens, moi, je joue au frisbee. Ah, vas-y, on va dans la salle de bain, j'ai envie de te laver. » Ou alors, t'as un pote qui fait « Bonjour, veux-tu t'asseoir? Je te sers un petit thé. » C'est vrai, un chat, c'est plus précieux. Et c'est chez tranquille. Ce pote-là que t'as envie d'aller, toi? Ah, voilà. Bon, alors Sophie, non mais la parole est à la défense. La parole est à la défense. À un moment, je veux cette année, j'ai décidé d'être ouvert. Donc s'il vous plaît, silence ou je fais évacuer la salle. Vas-y, explique-nous. Le tribunal est là, nous t'écoutons. Ok. Et ben en fait, j'avais un entretien le matin là. Et quand je suis partie de chez moi, je sentais une odeur assez bizarre. Et en fait, mon chat avait pissé dans mon sac. Ouais. Dans mon sac à main. Ouais, très bien, mais ça commence bien en tout cas. Et voilà. J'étais partie de chez moi, donc j'ai été à l'entretien et j'ai passé toute la journée avec cette odeur sur moi. Et à l'entretien, bah, ça sentait la pisse de chat. Mm-hmm. Et un peu l'horreur, quoi, mais bon, je lui en veux pas. Mais d'où ça t'a porté chance? Bah oui. Et ben j'ai eu le travail. Ah oh, ça n'a rien à voir. Est-ce que tu crois qu'il y a un rapport entre le fait que tu as eu ton travail et le fait que ton chat est pissé dans ton sac? Peut-être. Du coup, je m'enduis d'urine de chat tous les matins et j'espère avoir une augmentation d'ici un petit mois, ouais. Les amis, c'est... Désolé, pas encore, le chat est coupable. Attends, voilà, bien sûr. Et là, mais bien sûr. Mais pour le coup, votre chien, Bruno, apparemment l'associe des petites surprises tous les matins dans votre maison. Oui, mais voilà. Au moins, moi, il le fait pas dans mon sac, ça me fait pas chier quand je vais au boulot. Voilà. Ah, Bruno, il a un sac à main. Sophie. Oui. C'était bien tenté.

C'est vrai. Un petit peu d'actualité. Mais bien sûr. Tu vois, un peu relever le niveau de la culture. Mais... Tu vois, t'as fait des études à un moment. C'est bien que tu déroules quelque chose, évidemment. L'info là sur Fun, on va attaquer avec la météo. Oui, globalement du soleil sur la France, Bruno, mais des nuages qui vont résister ce matin. Du Limousin aux Pyrénées avec quelques gouttes de pluie. Prévoyez du vent dans le nord-ouest, des côtes de la Manche jusqu'au bassin parisien. Il fait 15 à 20 degrés ce matin. Dans l'après-midi, on attend 20 à Brest, 25 à Bordeaux et Albi, 26 à Paris, 27 degrés pour Ajaccio, 29 à Belfort et 33 à Nîmes. L'enquête continue après la découverte d'une voiture remplie de bonbonnes de gaz à Paris. Un deuxième couple a été interpellé cette nuit près de Montargis dans le Loiret. Deux autres personnes connues des services de renseignement sont en garde à vue depuis mardi soir. La fille du propriétaire du véhicule radicalisé est activement recherchée. Les profs dans la rue aujourd'hui, ils manifestent à l'appel des syndicats du secondaire contre la réforme du collège. Le cortège parisien partira à 14h de la place de la Sorbonne. Et des manifs aussi en région comme à Lille ou Toulouse. Le ministère de l'Éducation ne s'attend pas à de grosses perturbations. Il n'est pas interdit d'informer de la localisation des radars. La Cour de cassation a confirmé hier la relaxe générale de membres d'un groupe Facebook anti-radar du département de l'Aveyron. Établissant une importante jurisprudence, l'utilisation de détecteurs reste quant à lui toujours illégale. Un prix de base de 769 €, Apple a présenté hier soir à San Francisco ses iPhone 7 et 7 Plus. Ils seront waterproof, résistants à la poussière mais sans prise jack. Vous devrez brancher un adaptateur ou connecter des écouteurs sans fil. Les smartphones seront en vente dès le 16 septembre. Et puis ce soir, restez à l'écoute de Fun Radio dès 19h. Before Party Fun avec JB, spécial Fun Radio DJ Award. Vous pouvez voter pour vos DJ préférés sur partyfun.fr et trophée remis au mois d'octobre à Amsterdam. 9h04 sur Fun. Radio. Jeudi, c'est le 8 septembre, c'est Fun Radio que vous écoutez. Il est 9h05, là voilà, à 3 secondes près. 9h05, bonjour. Bonjour. Fun Radio, le son Dance Floor, DJ Snake. Je vous dis. On vient de faire un constat et je vous le prouverai maintenant quotidiennement si vous le souhaitez. Il n'y a pas une chanson anglaise où il n'y a pas le mot Sgen. C'est pas faux, je crois. On sait pas trop ce que ça veut dire, mais c'est dans toutes les chansons. Ouais. Sgen, c'est du yaourt. Il marche quand tu fais une impro en anglais et que tu parles pas anglais, tu loges un Sgen et tout va bien. Ouais, ouais. I'm gonna rap. Sgen and true. Voilà, bien sûr. Je te dis. Ah. On est d'accord que sur le Sgen, par contre. Ouais, bien sûr, c'est rien. Sgen and fly. Exact. Regardez, Fonf qui réalise cette émission, balance-moi une nouveauté Fun Radio, n'importe laquelle. Au hasard. Oh là là. Au hasard. Cette émission, de toute façon, c'est un peu pour ça, je pense que ça marche, n'est pas préparée, ça commence à s'entendre. on est sur de l'impro. Il faut la trouver, la nouveauté. Vas-y, cherche. Okay, le Sgen, je te dis, il loge partout. Et puis voilà, et puis ça fait plaisir pour les gens qui nous écoutent à l'étranger de se rendre compte que l'anglais, globalement, c'est facile. Ah, ça y est, ça arrive. Il nous a niqué. Faut que ça chante, par contre. Bah, c'est de l'anglais, là. Il fait waouh, waouh, waouh. Attends. Sgen. Non, il faut qu'il y ait des paroles. Attends, qu'est-ce nous que nous mets pas un titre français, ouais, ça. Allez. Attends. I am the bonfire, you make me stronger, you make me love. This game for... Non, c'est... Ouais, bon, voilà, si voilà, tu mets des chansons que tu enregistres au moment où tu nous parles, sur un si bon délire. Ouais. Allez, on lâche pas l'affaire. This guy, ah bah, this guy, là, il y en a un. This guy, right. Une fois sur trois. Parce que là, pour vous, c'est pas grand chose, mais moi, j'imagine. Ah. Moi, j'imagine Teddy, notre ami américain, qui nous écoute tous les matins, et là. il voit qu'on essaye de faire des efforts pour parler la même langue que lui. Et je suis sûr que dans son camion, il est en train de se dire... Oh yeah, when you're singing, let's get ouais, quand vous chantez et que vous utilisez like des sgen, je sens que vous parlez comme moi. Your music is so cool. La musique est tellement cool et j'adore ça. I'm masturbating my son. And alors du coup, je monte le son pour mon fils. Okay. Et on kiffe tous les deux. It's so funny, guys. Et c'est tellement sympa, les garçons. Ah, allez, toute l'équipe de Bruno dans la radio est là ce matin. Oh my god. Vous allez me chercher loin, ça. Oui, oui, il me met mal à l'aise. Oui, oui, oui. Christina est là ce matin. Hello. Bonjour. T'as pas honte, tu vas avoir un enfant en plus. Oui, alors je tiens à dire, non, parce que je connais un peu Teddy, on se connaît de loin, ouais. Je sais que quand il est prévenu à l'avance, tu vois, il peut faire gaffe, mais c'est vrai que s'il est prévenu au dernier moment, c'est, ouais, on peut tomber sur du grave. Attention. Ça va, Elliot. Ouais, ça va bien. Parce que, voilà, tout ça, voilà, c'est de l'impro. Et donc, non, mais j'aime bien ne pas te prévenir parce que bon, le but, c'est que tu me fasses rire aussi. J'essaye de te piéger, hein, mais je l'aurai un jour, je l'aurai. Allez, top 3 d'Elliot. Ne vous inquiétez pas, vous ne risquez rien. Le top 3 d'Elliot. Top, gracias mucho. Les trois meilleurs moments de l'émission compilés par Elliot, c'est le top 3. Numéro 3. Oui Bruno, et là ça y est, c'est le moment où tu fais du théâtre. Pour ceux qui ne le savent pas encore, tu vas jouer le rôle principal de la pièce de France 2 en décembre, c'est bon? Exactement, ouais, ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Mais c'est voilà, ce matin, les auditeurs du jour ont le droit de poser une question. Oui. Et la nana m'a un peu cueilli à froid. Je suis pas persuadé qu'autant ce matin à 6h c'était drôle, enfin c'était drôle d'ailleurs, même pas. Mais à 9h10, je suis pas persuadé. J'ai remis une petite partie, en fait ce qui était drôle, c'est que dans ta pièce, t'as sorti vraiment des mots improbables. Ça a fait réagir Vacher, c'est ça qui était drôle. C'est une pièce, c'est un vaudeville de la fin du 19e siècle. Bien c'est sûr, un vaudeville. Ouais, comédie avec boulevard, des vieux mots, du coup. Les portes qui claquent, le mari dans le placard, etc. Quoi, tu vois. Et pour ça, donc oui, il y a des vieux mots, mais je respecte. Mais elle m'accueille à froid en disant, est-ce que tu peux nous faire une tirade de la pièce? Je l'ai fait. Ah, ils sont collants, et je ne parle pas de mon porc épic de beau-père qui a le chic de me crier, mon gendre, où allons-nous? Alors pour m'en débarrasser, je lui ai dit que nous allions au Vauquitette, et il croit attendre dans la cour de cet établissement. Mais j'ai donné mon billet au majordome pour qu'il ne les laisse pas monter. Pensez-vous, je n'ai pas envie de présenter ma belle famille à une baronne. Voilà, c'est un petit. C'est à quelle heure l'entracte? C'est pas bravo, j'ai soif. Bravo, vous m'avez cueilli à froid, je vous jure. Le porc épic de beau-père, je savais pas que c'était aussi violent, cette pièce. 1890. Ah oui, mais à l'époque, justement en 1890, c'était les racailles qui disaient ça. Mais enfin, tu vois, porc épic de beau-père, va. T'allais pas te pointer en disant bra bra, beau-père, vas-y, nique tes morts, t'as vu, vas-y, représente. Au fond, je suis trop choqué, je t'ai vu rentrer. Et beau-père, porc épic. Passez les yeux, porc épic, passez les yeux, hein. Ça restait ça. Et c'est compliqué, c'est une pièce, mais c'est vraiment sympa à faire. Et tu le disais en préambule, Bruno, c'est une préambule. Bravo, bravo, deux points. Placé, ça fait partie de la liste des mots à placer cette année, préambule, il est fait. C'est qu'elle arrive à faire genre avec sa voix, c'était pas du tout préparé, c'est dans mon langage courant. Bien voilà, sûr. C'est, ouais. C'est vrai que t'as fait bien ça, sûr, genre, bien c'est sûr. Naturel, bravo. Et donc cette auditrice t'a posé cette question en début d'émission, et on va instaurer un truc pour l'émission du vendredi à 6h. La question que vous allez poser demain, donc vous pouvez vous inscrire à bruno@funradio.fr, elle sera coquine le vendredi. D'accord. La question que vous avez le droit de poser à un membre de l'équipe le vendredi, elle sera coquine. Il va se calmer, Jean-Luc Reichmann. C'est ça. Attends, bah, c'est la question co. On a déjà la générique. La question ça co. Existe encore, la question qui. Et la question in. Et là, t'as toutes les vieilles avec leurs cheveux violets dans le public qui font oh mon dieu. Il va parler de boule. Calme-toi, Gisèle. Numéro 2. On t'embrasse, Jean-Luc. Cette émission devient n'importe quoi. Numéro 2, c'est Luzman. Luzman qui est au standard, qui a encore fait des siennes aujourd'hui. On parlait du choc de génération. Exactement. Je crois que Bruno, tu lui as posé une question. Il a répondu avec une voix bizarre. Je vous propose de réécouter. Est-ce qu'on a ce qu'il faut là pour le choc des générations? Bonjour le standard, oui, bonjour Luzman. Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Oui, on est débordé d'appels. Pourquoi il parle comme un animateur des années 80? Mais c'est ça. Oui, on est débordé d'appels, on fait un point cadeau dans 5 petites minutes. Les mecs, on se croit au présidentiel, tu sais, nous connectons tout de suite avec notre centre de sondage. Au présidentiel pour l'élection de Mitterrand, mec. Eh bien, merci le standard, Douga. On vous retrouve tout à l'heure. Merci beaucoup. Il n'y a pas de soucis, merci Luzman. Avant de quitter Luzman, je vais vous demander de taper dans les mains. Et quand je dis hip hip, vous dites hourra, hip hip hip. Allez, on se retrouve à la pistoche. Ouais, je vais y aller en bécloune. Allez, 6h15. Ouais, dire qu'il était que 6h15. Oui, mais c'est aussi pour ça que l'émission marche beaucoup dès 6h, c'est qu'ils savent que dès 6h du matin, on est très réveillés. Tu sais, il y a deux écoles dans les gens qui font la matinale en radio, et je les connais, beaucoup, tous, hein, quasiment. Il y a ceux qui se réveillent genre à 5h15 et qui du coup arrivent pile poil à 6h du matin à la radio, et du coup, comme, ils sont en général de très bons animateurs, mais commencent à être vraiment au top à 7h30. Et il y a les cons comme nous qui se couchons à 20h, qui se réveillent à 3h30, mais à 6h, on est au taquet. Bon, après, à 9h15, quand c'est on ça. Finit l'émission, si vous passez dans le bureau, il y a 14 morts. On donne tout à cette France qui nous le rend bien. Numéro 1. J'ai encore fait plein de conneries aujourd'hui, Bruno. Je dois l'avouer, je ne peux pas être tous les jours au top. Et bon, bah, d'ailleurs, tu le réussis bien, tu ne l'y es jamais. Particulièrement aujourd'hui, on s'est fait livrer un petit déjeuner. Et donc on a eu de l'eau chaude et on l'a mis dans un thermos. Moi je me suis rué dessus parce que j'adore quand c'est gratuit. Et du coup bah, c'était très chaud. Et après l'avoir secoué, en avoir foutu partout, je me suis mis à le boire. Sauf que bah, je me suis brûlé et j'ai arrêté en plus l'antenne quoi, carrément. Bruno, tu m'as demandé ce que j'avais et du coup j'ai répondu. Elliot, qu'est-ce qui vient d'arriver encore? Mais Elliot, c'est pas possible. Il vient de reboire son truc de Ricoré et il vient tout cracher sur le clavier de l'ordinateur. Je me suis ébouillanté. Oh là, mais mec, j'en peux plus. J'étais un porc. Je n'en peux plus. Non mais ça fait mal. Et c'est pour ça que tu parles comme ça, parce que t'es ébouillanté. Ça se trouve, Mika, le chanteur, c'est juste un mec ébouillanté. Relax. On vient de comprendre, merci Elliot. Dans un film de guerre sur le débarquement en Normandie, Elliot qui joue le héros qui vient de prendre une balle par un soldat allemand et qui donne la photo, tu sais, comme dans tous les films clichés, il y a son pote américain G. Ice qui se met à genoux à côté de lui et Elliot qui lui fait « Donne ça à ma femme, je lui dirai que c'est belle, maman, je l'aimais beaucoup, j'ai une belle vie, j'adorais ça, j'adorais tout ce que j'ai fait de ma vie, c'était génial, merci, merci beaucoup, vive l'Amérique, vive les États-Unis !» Mais tu t'es fait tirer dessus ? Non, je me suis fait ébouillanter. Vous rigolez, mais ça fait mal, hein. J'ai toujours un peu mal. Allez les amis, on va revenir demain. On sera là dès demain sur Fun Radio à partir de 6h. Fun. Le roi Mika, le châtelain. 9h midi sur Fun Radio. Gloire au châtelain. Gloire au châtelain. Bonjour les amis, comment ça va? Ça va, ça mon va. Mika. Mika va vous accompagner jusqu'à midi. Moi je suis en pleine forme. Cet après-midi je vais à l'hippodrome de Chantilly. Non! Si, faire du cheval? Pour le prix de l'Île-de-France. Non, je vais regarder. C'est une compétition de chevaux de 3 ans. Je sais que ça vous intéresse beaucoup. Et alors il y a un cheval qui s'appelle Orpheas. Ouais. Qui est juste le cheval de demain en fait. Et moi, je suis super content d'aller voir. Attends, t'as pas besoin d'aide pour ton café? Parce qu'en fait, la machine en panne et je vais te montrer comment on la répare. Il n'y a pas de soucis. Mais je t'ai quand même pas dit. Enfin, c'est une compétition. Sur 1900 mètres. Si jamais on a passé de trucs. Ouais, moi, Mika, je serais bien restée avec toi, mais je crois que. Il y a un incendie chez toi. Il y a un incendie chez moi. Okay. Il faut vraiment que j'y aille. D'accord. C'est à côté de la machine à café. Ouais, heureusement que tu habites à côté de la machine mais à café. Je vous ai pas dit, c'est quand même une grosse compétition. Il y a 17 chevaux. Ouais, enfin, c'est pas rien quoi. Tu veux un café? Allez, bah ouais. Bon, ok. Bah, allons-y, démarrons ce 9h midi. Du coup, Fonf, à l'arrière, qu'est-ce que. Je me casse aussi, moi. D'accord. Fonf, viens, on sait jamais s'il n'y a pas assez de mains pour l'incendie. J'arrive. Ok, bah, ça fait plaisir, les amis. On voit la solidarité. C'est. On va peut-être attaquer, du coup, j'appuie sur le. On fait comme ça, hein. On va lancer Soprano. Voilà. Enfin, bon, si ça vous intéresse, vous, en tout cas, moi, je serai à l'hippodrome de Chantilly, du coup, cet après-midi. Je vous débrieferai demain. Oui, Karina du JPI. Ferme-la et lance ton émission. Allez, voici Soprano. Okay. Zinedine Zidane face à l'équipe du Brésil. Ce soir tu me souris, même Monica Bellucci. J'ai sorti le gros gamin, ce soir je suis prince de la vie. J'ai mis mes plus beaux tissus, appelle les paparazzi. Ce soir je suis intouchable, je danse comme Omar Sy. Le sol le salue, même Michael Jackson me dit merci. Le DJ me fait une passe et boum dans la nuit car je sors de la piste, je fais une grande écart de Van Damme. Je sens que je vais briller. Ce soir je marche sur l'eau, j'ai l'impression de planer. Regardez.